C'est fou! 89. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Véronique Mir sera enfin de retour pour tourner une nouvelle page de sa Véronique Lopédie. Et on va aussi tourner la langue 7 fois avant de manger de la malbouffe dans une grosse pointe à l'adresse. Ah, j'ai faim. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à l'Assemblage Requis en ce jeudi 12 octobre 2017. On est en direct des studios de 6x3 Rivières. Mm-hmm. Moi, je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Ouais, est-ce que tu savais qu'on est à 197 jours de la fin de l'année scolaire? Non, je ne savais pas ça, mais maintenant que tu me le dis, je me sens pas mieux. Non, c'est ça. Et t'es heureuse que je t'ai appris qu'on était au studio de 6x3, alors que d'habitude, c'est toi qui dis ça. Oui, tout à fait. Je suis très contente. Ça fait très différent de chaque matin. Ah, vraiment? Mais est-ce que tu savais qu'on est en Mauricie? En Mauricie? Oui. Oui. Mais diffusé un petit peu partout. On est au centre du Québec? Oui, aussi. Aussi, ça dépend comment tu veux le voir. C'est comme un sens plus large, Mauricie, centre du Québec. Exactement. Tania, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, très bien aussi. Très bien. Très fatigué, j'imagine, comme oui, toi. Oui, toi aussi. Ouais. Tu le ressens dans ton corps. Je pense que c'est le changement de température ce matin qui fait que... Il fait noir le matin et le soir. C'est à partir de là que ça se passe. Anecdote, cette nuit, je me suis réveillé à genre 2h30 du matin. OK. Je sais pas pourquoi je me suis réveillé, mais j'ai fait tomber mon téléphone par terre. Tu sais, mon beau téléphone neuf. Ouais. Fait que là, ben, je passe mon bras, tu sais, mon lit est contre le mur, fait que je passe mon bras. Là, mon fil se pogne en dessous de la roue du lit. OK. Fait que là, j'étais plus capable de brancher mon téléphone, de le rebrancher, tu sais, c'était débranché. Fait que là, il a fallu que j'ouvre la lumière, que je me lève, que je soulève le lit, que je retire le fil. Ça m'a un petit peu réveillé, ça m'a pris comme une heure à me rendormir. Genre, j'en doute pas. C'est pas le fun. Mais je comprends pas comment tu fais pour te réveiller en plein milieu de la nuit. Je sais vraiment pas, moi non plus. Il y a des périodes de l'année comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Je sais pas. Bref, parlons de l'émission d'aujourd'hui à la place de déprimer sur ma longueur de nuit. On va avoir tout à l'heure Véronique Mir et sa chronique La Véronique Lopédie. Elle nous parle de différents mots qu'elle a trouvés sur Internet ou ailleurs. Et elle nous renseigne à ce sujet-là. Oh, ça, c'est fun. On aime ça. C'est un grand retour, quand même. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu, Véronique, avec nous. Absolument. Et Véronique, je peux même vous parler de quoi elle va nous discuter tout à l'heure dans sa chronique. Elle va nous parler, en fait, de Easter eggs et de caméos dans les films d'animation. Okay. Pourquoi vaut-il mieux ne rien savoir des mythes animaliers et des pléonasmes? Oh! Tout à l'heure dans sa chronique, c'est à 7h30. Toi, plus tard, tu vas nous faire Tania is gonna entertain you. Tu travailles sur quelque chose de bien intéressant, j'imagine. Aujourd'hui, on est jeudi, pour ceux qui ne savent pas. Ce qui veut dire que tour de l'actualité, ce qui a retenu mon attention dans l'actualité. Et aussi, vous allez voir, il y en a pour tous les goûts aujourd'hui, vraiment, là. Vous allez probablement être comblés. On va passer de politique à automobile. C'est très diversifié aujourd'hui. Mais pas de mythes animaliers ou de pléonasmes. Non. On laisse ça à Véronique Mir. Exactement. En fin d'émission, on va se faire une grosse portion d'une grosse pointe en dresse. On va goûter à quelque chose, produit que j'ai acheté à quelque part à un moment donné. Et en plus, on va parler de nouvelles de fast-food. Donc, ça, c'est à la fin de l'émission en dernière heure. On va commencer avec son foutu palmarès dans quelques instants. Mais avant ça, on écoute une pièce de The Pack AD. Oui. La petite maison de poupée. Oh, The Dollhouse. Ah. Assemblage Wiki. Au 89 FM. I'm saying The Pack 80 et Dollhouse. Tania a éternué exactement au bon moment. Hey, je pensais que j'avais le temps d'éternuer avant que la chanson termine, mais malheureusement, non, c'est chose qui s'est pas fait. On aime ça, hein? c'est comme ça le matin. T'sais. Et on adore ça. On peut pas se contrôler. Non, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. C'est exactement. Surtout quand on n'a pas pris notre café ou encore même un bon petit déjeuner nutritif. Oui. Et c'est justement le sujet de son foutu palmarès. C'est la chronique où on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et aujourd'hui, c'est pas mal précis, je te dirais, parce que j'ai choisi des palmarès sur le petit déjeuner. Oui, c'est vrai. Le repas que je saute tous les jours, même si je prends une barre tendre. Exactement. Je prends une bonne barre tendre, Nature Valley. Là. OK. Ça remplit pas mal. C'est mieux. Bref, on commence avec le chocolat chaud. Oui. Rien de mieux, des fois, l'hiver, qui s'en vient, ou froid, là, de prendre un petit chocolat chaud pour déjeuner. Accompagner ses toasts avec un chocolat chaud, le décaffé. Oui, OK, pas pour déjeuner. Ben non, quand même pas. À moins que tu mettes des Weetabix dedans. Ben là, j'ai comme peur pendant un moment que tu me disais que tu buvais un chocolat chaud pour déjeuner. Non, je sais pertinemment qu'il y a plein de gens qui ne boivent pas de café en se levant. Oui, ça c'est vrai. Qui prennent un chocolat chaud, donc pour vrai, je pense que c'est une bonne idée. Chocolaté, on adore ça, surtout quand tu commences à faire moins 5, alors que le jour d'avant, il faisait comme 22. Exactement, je tiens à saluer la givre qui était sur ma voiture ce matin. Je t'ai pas aimé. J'étais en t-shirt mardi et en manteau de printemps automne mercredi. C'est... Exactement, wow. C'est... Bref, le chocolat chaud date d'il y a des milliers d'années. D'accord. Ouais, bien avant que les gens mangent des barres de chocolat et des brownies, le chocolat était consommé en forme liquide. Les historiens donnent le crédit à la civilisation olmèque du sud du Mexique. Ils étaient les premiers à faire torréfier le fruit de l'arbre du cacao et ensuite le mouliner, le défaire en petites miettes et puis le mélanger avec de l'eau et d'autres ingrédients. Les archéologues ont découvert de la poterie olmèque avec des traces de chocolat qui datent d'environ 1700 avant J.C. C'est fun, ça? 1700. Ça n'a pas toujours été chaud ou sucré, le chocolat chaud. Ah non? Non. Les Mayas. Les Mayas? Les Mayas. Pas les Mayas. Les Mayas l'abeille. S'il vous plaît. Et les Aztèques. Hein, très, très de bonheur dans l'émission. Oui, c'est ça. Ces chroniques-là, le contenu. Hein. Bref, eux ont pris l'habitude des Olmèques. Ils buvaient un mélange un petit peu amer qu'ils appelaient le Xocotl. X-O-C-O-A-T-L. Xocotl, typiquement fabriqué avec des piments chili, de l'eau et du maïs rôti. Ils servaient ça tiède, avec de la mousse. Tiède et mousseux. Fait que c'est l'ancêtre du cappuccino. Ben genre, mélangé avec de la gazpacho. C'est ça. C'est un gazpacino. Les Espagnols qui, eux, se sont fait présenter pour la première fois les boissons au cacao après que les conquistadors les aient ramenés à la maison. Ils ont sucré ça un petit peu en ajoutant de la cannelle, du sucre et d'autres épices. Par contre, c'était vraiment, vraiment pas comme la concoction qu'on peut connaître aujourd'hui, le chocolat chaud très, très sucré qui donne un petit high. Mais ça se fait encore de mettre des petits flocons de piment là, dans son chocolat chaud. Absolument. Pour donner un petit kick. Oui, comme dans le chocolat en tant que tel. Il y a plein de chocolats qui ont du sucre. On croyait que ça avait des propriétés médicales, médicinales au départ. Ben oui. La boisson pure de cacao que les méso-américains fabriquaient était avec une teneur élevée en calories et en antioxydants. Ça donnait un bon petit kick de caféine. On aime le mot kick ce matin. Donc, naturellement, ils pensaient que ça avait des capacités à restaurer leur santé. Les guerriers aztèques buvaient du cacao avant d'aller se battre. Alors que Montezuma II, lui, ont dit qu'il buvait autant que 50 tasses de chocolat chaud par jour. Ça a gagné une réputation comme aphrodisiaque aussi. Quand la recette est arrivée en Espagne au 16e siècle, les moines ont caché ça, l'ont embarré, l'ont banni pendant un certain moment pour éviter justement la copulation massive. C'était la source de controverses religieuses. Oui, les boissons au chocolat ont commencé à être consommées en tonnes, à la tonne, vers les 16e et 17e siècles, surtout parmi les riches. Il y avait un débat, est-ce que c'était une nourriture ou est-ce que c'était une boisson? Oh! Ouais, la distinction aurait dit en fait que Ça aurait déterminé si les catholiques romains de l'Europe pouvaient boire ça pendant leur jeûne religieux qui avait lieu plusieurs fois par année. L'argument disait que ça retournait en fait au pape Grégoire XIII, 1572 à 1588, qui a décrété que le chocolat buvable était correct à consommer pendant le jeûne, étant donné que c'était à la base du chocolat. Les papes, ensuite, étaient en désaccord. Le débat a continué. Et bref, il y en a plusieurs qui boivent quand même du chocolat chaud pendant ce jeûne. Intéressant. Ouais. C'était servi dans des genres de théières très très fancy, un peu comme du thé à l'époque. Ah ouais? Ouais, en Angleterre au 17e siècle, les chocolate houses, un peu comme aujourd'hui on a des tea houses, les coffee houses, ou peu importe, c'est des petits salons, si on veut, de chocolat. C'était la mode au 17e siècle en Angleterre. Des endroits comme White's, qui est toujours en affaire aujourd'hui d'ailleurs, servaient du chocolat chaud pour aller avec la petite discussion politique du moment, le gambling, et juste de la débauche, comme on appelle la, oui, la débauche. On appelle ça la maison de débauche aujourd'hui, mais peut-être que ça aurait été la maison du chocolat à l'époque, mais il y aurait eu quand même de la débauche. Ils servaient la boisson dans une théière ou un contenant, un pichet, fabriqué en or, en argent et en porcelaine. La porcelaine de Limoges, qui était très élégamment créée, avait souvent des petites fleurs dessus. C'était un choix très populaire. Ça fait très, très grand-parent. C'était très élite à ce moment-là. Oui, c'est vrai. J'ai déjà entendu ça, que c'était très, très élite. Ouais. Ensuite, les soldats de la guerre révolutionnaire en avaient dans leur ration. Donc, la croyance que le chocolat avait une capacité de restaurer la santé allait bien au-delà des Mayas et des Aztèques. Pendant la guerre de la Révolution, les médecins donnaient souvent des tasses de chocolat chaud aux personnes blessées, aux soldats qui avaient des plaies ou quelque chose comme ça, qui étaient vraiment blessés intensément. Les mélanges de chocolat étaient aussi donnés à chaque mois aux soldats, et des fois, c'était offert à la place de leur donner un salaire, on leur donnait du chocolat chaud. Thomas Jefferson était un grand fan de chocolat chaud. Le diplomate et troisième président américain a acheté sa première batch de chocolat en 1775. Il est devenu, évidemment, comme pas mal de gens, accro. En 1785, Jefferson a écrit à John Adams au sujet du futur qu'il voyait pour le chocolat chaud aux États-Unis. Il dit que la supériorité du chocolat pour la santé et pour juste aimer ça, pour le manger, oui, ça va devenir une préférence. Ça va dépasser le thé et le café, disait-il. Ah, c'est bon, ça. Pas sûr que c'est un visionnaire tant que ça de ce côté-là, parce que le café est pas mal, j'imagine, je sais pas, là. Ouais. Ouais, c'est vrai. J'ai pas les chiffres. Bref, aujourd'hui, les visiteurs à Monticello peuvent échantillonner le chocolat chaud de la même façon que Jefferson le buvait, c'est-à-dire avec du cacao écrapoute à la pierre, du sucre et des épices. C'était torréfié sur de la pierre. Ensuite, il y a une différence entre le chocolat chaud, en anglais hot chocolate, et le hot cocoa. OK. En français, je pense qu'on dit pas mal les deux du chocolat chaud. J'ai jamais entendu du cacao chaud en français. Toi? Non. Non. Je pense que la seule fois que j'aurais peut-être entendu ça, c'est dans un film mal traduit. Oui, oui. Tout à fait d'accord avec ça. Français sûrement. Oui, exactement. Aux États-Unis, le hot chocolate fait référence à n'importe quelle boisson chaude fabriquée à partir de chocolat avec des ingrédients du chocolat. Ce que la plupart des gens boivent, par contre, est du hot cocoa. La poudre de cacao, c'est du cacao. Le mot là, pour quand c'est. Caroline. Quand c'est mis en poudre, le mot pour ça... Poudré. non, mouliné, mou. Oui, moulu. Quand le moulu. Voilà, moulu. Moulu. Donc, la poudre de cacao moulu, c'est du cacao moulu, oui, qu'on a enlevé son gras, en fait, soit par un processus naturel ou un processus où la poudre était sujettie à une portion de carbonate de potassium. Le chimiste hollandais Conrad J. Van Houten a inventé la poudre de cacao. En 1827, il a aidé à rendre le chocolat chaud disponible un petit peu partout. Le hot chocolate, qu'on appelle aussi du chocolat à boire, drinking chocolate en anglais, est fabriqué à partir de cacao émietté ou... c'est ça, genre en copeaux, si on veut, qui a toujours son gras, qui est un petit peu plus acide. C'est ça la différence entre les deux. Ça a beaucoup aidé, le chocolat chaud, les explorateurs polaires. L'explorateur britannique Robert Falcon Scott, encore, là, on dirait une vedette de film d'action, le Robert Falcon Scott. Et ces hommes ont réussi à survivre grâce au chocolat chaud et à du ragoût pendant leur voyage d'un an au pôle sud. L'expédition s'est rendue au pôle sud en janvier 1912 pour apprendre que l'équipe norvégienne menée par Roald Amundsen était déjà rendue là depuis un mois. Mm-hmm. Ah, triste. Donc, tragique, tragiquement parlant, oui, l'équipe de Scott a fini par manquer de provisions sur le voyage du retour et ils sont morts. Alors que Amundsen, qui lui avait amené 5 fois plus de cacao, est retourné à la maison en tant que héros. Plusieurs décennies plus tard, en 1989, les 6 membres d'une expédition avec des chiens... Tu sais, les chiens... Oui. Hein? En Antarctique, ils ont consommé presque 2100 paquets de Swiss Miss, donc du hot cocoa. Swiss Miss. Oui. Délicieux. On a parlé de, je crois que c'était en ronde hier avec Sébastien Gartin, on a parlé, je me rappelle pas pourquoi, du YMCA. Te rappelles-tu pourquoi? Hey, non, c'était en onde, on a parlé du Women's Y, le Y, les Grecs des femmes. Oui, est-ce que c'est avec Sébastien Gartin ou avec David Ferron? Un des deux. David Ferron, je crois. Ça se peut. Bref, le YMCA, à l'époque, servait du chocolat chaud aux soldats de la Première Guerre mondiale. Pour aider le moral et pour garder l'énergie des soldats pendant la guerre, le YMCA a envoyé plus de 25 000 bénévoles pour installer des stations réconfortantes sur le champ de bataille. Les stations étaient remplies de magazines, de cigarettes et de collations avec du cacao, du chocolat chaud bien bouillant. On les appelait les Red Triangle Men en référence au logo du YMCA. Et puis, on pouvait les trouver en Égypte, en Russie et souvent très proche du combat. On a parlé tantôt des avantages côté santé du chocolat chaud. Ben, c'est surprenant, mais ça a quelques bénéfices pour la santé, en effet. Donc, la plupart des emballages, évidemment, de chocolat chaud qui contiennent du chocolat process, là, un paquet d'ingrédients qui ne sont pas super bons pour la santé, ça offre pas vraiment de nutrition, mais... Plus on se rend près du vrai chocolat, qui n'a pas été trop modifié, mieux c'est. OK. Les études parlent donc d'antioxydants. Le chocolat contient ça en abondance. Ça peut aider à prévenir le cancer, à baisser la pression sanguine. Le chocolat contient aussi la théobromine, qui est connue pour améliorer ton humeur. Et ajouter du lait, ça peut en fait augmenter les bénéfices côté santé en ajoutant du calcium et des vitamines au mélange. Aussi, tantôt, on parlait d'aphrodisiaque. Ça, par contre, ça, c'est faux. Oui, OK. C'est faux. Les restaurants ont changé un petit peu la formule du chocolat chaud avec les années pour faire une version gourmet et alcoolisée. Tu sais, quand on va au restaurant, il y a souvent les petits chocolats chauds avec B-52 ou peu importe dedans. Donc, les ventes de chocolat chaud, de chocolat de luxe ont augmenté depuis les dernières années. Les restaurants sont retournés aux racines du chocolat chaud avec des boissons premium remplies d'épices. Red Farm à New York City sert son hot cocoa avec du miel, du gingembre asiatique et une dose de liqueur de gingembre. Alors que Ellie's Bakery à Providence dans Rhode Island sert son chocolat chaud épicé avec du chocolat au chili et du lait de avec du lait de vapeur, ouais, c'est ça. Le DW Bistro à Las Vegas lui offre la Caribbean Cream de Hot Chocolate, donc crème de chocolat chaud caraïbe, avec du rhum épicé, de la liqueur de café, du chocolat noir et de la crème de menthe avec un petit peu de lait vapeur mousseux. Ouh, on aime ça. Et la plus grande tasse qui a jamais été fabriquée était de 880 gallons. Ah, et c'est grâce à des enfants. Ah ouais? Alors, en 2013, au Tampa Bay's Museum of Science and Industry, 300 étudiants élèves locaux ont travaillé avec leurs enseignants, professeurs, pour produire un chocolat chaud de la grosseur d'une piscine, 1100 livres de cacao et 87 gallons de lait en poudre. Lait en poudre, là, évidemment, ça descend d'une coche... Une petite coche dans ma tête. Oui, c'est sûr, là, mais hein, c'était pour le besoin de la cause. C'est ça. Et à la cérémonie pour révéler cette concoction, les enfants ont tiré des guimauves en utilisant des catapultes fabriquées maison. Okay. Ça, c'est amusant, là, des grosses catapultes. Ben oui. On aime ça. J'aurais aimé ça me faire pitcher moi-même directement dans le chocolat chaud. Miam, miam, miam, miam. Ben, c'est sûr que t'essayes de pas t'ébouillanter. Genre, j'espère qu'il y a la méthode tiède de l'autre tantôt. Ouais, c'est ça, exactement. Continuons avec des faits sur les gaufres et gaufres, tiens. Hein? Y a rien de plus réconfortant qu'un chocolat chaud. Oui, on l'a dit tantôt, mais imagine avec une gaufre. Hein? C'est pas génial. Ce sont donc les gaufres égaux qui sont probablement la meilleure chose à être arrivée au grille-pain depuis le pain en tranche, comme nous dit Mental Floss. Donc, on va faire quelques petits faits sur les gaufres. Alors, tu trouves vraiment que c'est la meilleure chose qui est à avoir dans un grille-pain? Absolument. Ah oui? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je mange des gaufres très souvent. Ah, d'accord. Oui. Leurs inventeurs, à l'origine, étaient des rois de la mayonnaise. Ah! Ouais, donc, Ego qui a eu un petit début humble, disons. En 1932, Frank Dorsey de San Jose, en Californie, et ses frères Anthony et Sam se sont assemblés sur un projet culinaire dans le sous-sol de leurs parents, oui. Quand ils ont terminé, les frères Dorsey avaient créé une nouvelle marque de mayonnaise. Pendant la dépression, la mayonnaise Ego parlait de son utilisation d'œufs frais, de ranch à 100% et leur huile végétale triplement raffinée ce qui a aidé à quand même pas mal vendre de mayonnaise. Un article du San Jose Evening News en 1939 disait même que la mayonnaise locale était très, très populaire. Ah, bon, d'accord. Les gaufres sont arrivés un petit peu plus tard. Les frères Dorsis avaient donc réussi à comment dire, devenir maîtres du royaume de la mayonnaise locale. Ça a continué. Et comme la notice, là, après le décès de Frank Dorsis, l'avis de décès, voilà. Oui. Elle a noté plus tard, les frères ont changé une infusion de $50 en l'argent qu'ils avaient besoin pour pouvoir entrer dans l'entreprise, pour créer une entreprise de gaufres. Ensuite de ça, ils ont réussi à vendre de la mayonnaise et des gaufres, de la pâte à gaufres, en fait, aux Californiens du Nord. Éventuellement, ils ont eu un petit problème. Par contre, envoyer de la pâte fraîche et de la mayonnaise, ça empêchait, bref, selon les lois, là, ça empêchait l'endroit où ils pouvaient vendre leurs trucs. Donc, bref, ça a créé un petit problème. Ils ont créé un mélange en poudre à la place qu'on pouvait reconstitutionner avec du lait. Donc, à la place d'envoyer la pâte directement à gaufre, ils envoyaient le mélange en poudre comme on le connaît aujourd'hui. Ensuite, la ligne Ego a pris de l'ampleur à partir de là. Ils ont continué de vendre leur mayonnaise et leur gaufre. Les Dorsis essayaient de trouver un nouveau marché. En 1938, ils ont acheté la Garden City Potato Chip Factory, donc une usine de croustilles. Et très bientôt, les croustilles Ego sont arrivées sur le marché. Oui, la ligne Ego qui avait donc une variété de nourriture qui n'était pas des gaufres, dont des nouilles, des vinaigrettes et des bretzels. Ah, oh, ouais. Sur le site trade.mar.cx, il y a une collection d'emballages de Ego à l'époque. Ensuite, justement, les croustilles ont aidé à faire les Ego comme on les connaît maintenant. L'acquisition de l'usine de chips de croustilles a fait plus que seulement aider Ego à entrer dans un nouveau domaine. Ça a donné à Frank Dorsis la chance d'essayer d'être encore plus inventif, si on veut. Donc, il avait travaillé sur des machineries dans des compagnies comme ça. Et Dorsis pouvait utiliser ses aptitudes, ses habiletés mécaniques pour inventer le Continuous Potato Peeler, qui empêchait les employés d'avoir à peler chaque patate à la main avant de les envoyer dans l'huile. Donc, cette nouvelle façon de faire, cette automatisation-là, a commencé à être pratique plus tard quand les Dorsis ont eu un autre problème, justement, le mouvement des consommateurs dans la nourriture congelée était un problème. Au début des années 1950, les Américains post-guerre ne voulaient plus de leur pâte à gaufres fraîche et même les mélanges en poudre de Dorsis. La nourriture congelée était la chose la plus à la mode et la marque Ego voulait rester populaire, donc ils avaient besoin de créer un marché pour les gaufres congelées. À ce point-là, les Dorsis ont eu un autre problème familier avec tous ceux qui ont sorti la presse à gaufres un matin de fin de semaine. C'est que fabriquer chaque gaufre, c'est quand même du travail et ça demande de verser, bien sûr, une fois que tu as fait le mélange avec la poule, il faut quand même que tu verses le liquide et que tu surveilles la cuisson. Donc au premier regard, les gaufres n'avaient pas l'air d'une nourriture facile à produire en masse. Ah ouais? Donc la solution a été quand même assez intelligente de la part de Frank Dorsis. Les Dorsis étaient donc, comme on disait tantôt, dans le sous-sol de leurs parents au départ, pendant la dépression. Ils ont pas été intimidés par les problèmes logistiques de la fabrication de la gaufre. Donc Frank, en 1953, a trouvé une solution avec un petit peu de flair, nous dit-on, avec l'aide d'un moteur de manège. Dorsis a construit un appareil rotatif équipé de plusieurs presses à gaufres, des petites comment t'appelles ça? Pas les fours à gaufres, mais une espèce de plaque. Bref, les gaufres se faisaient cuire en même temps que le carrousel tournait et les employés qui étaient placés stratégiquement pouvaient faire tourner chaque gaufre exactement au bon moment. La machine a permis à Ego de sortir des milliers de gaufres par heure. À l'origine, ils avaient un nom différent. La machine permettait à Ego de sortir donc des milliers de gaufres à l'heure et les Américains aimaient bien sûr absolument ça. Oui. La création de Dorsis est arrivée dans les congélateurs américains en 1953. On les appelait pas par contre des Ego Waffles. Non. On les appelait des Fruffles. Ça, je me souviens de ça. Pour vrai? Je me demande vraiment comment t'as su ça. Je ne sais pas. Parce que, bon, le nom a changé en 1955. Ouais. Mais j'ai déjà vu le nom Fruffles sur des boîtes. Je pense que... C'est tes grands-parents, peut-être? Ben peut-être, mais je sais qu'à certains endroits, je pense que c'est peut-être aux États-Unis, c'est encore Fruffles. Non. C'est une combinaison de Frozen et Waffles, mais peut-être qu'il y a des marques génériques. Peut-être. Qui ont, j'imagine, repris la marque étant donné qu'elle a depuis j'imagine. Peut-être. Après avoir passé 2 ans à gagner donc les grille-pains et des Américains, bien sûr, sur la côte ouest, le nom a changé pour Eggo Waffles en 1955. Elle nous en reste quelques-unes. Continuons avec les gaufres Eggo qui ont commencé à avoir beaucoup de succès dans les années 70. Après des années sur la côte ouest, les gaufres Eggo ont eu leur chance partout au pays quand Kellogg a acheté la marque dans les années 70. On a amené les gaufres Eggo au niveau national. Ça a été une bonne idée pour Kellogg. La marque contrôle maintenant plus de 60% du marché des gaufres congelés de 1,2 milliard de dollars ainsi que la compagnie du pain doré. Ah, OK. Kellogg a aussi donné à la marque son slogan classique. Sortir Eggo sur une base nationale, ça demandait un bon slogan. Et heureusement pour Kellogg, l'agence publicitaire Leo Burnett avait exactement ce qu'il fallait. La compagnie est arrivée avec le slogan Lego My Eggo en 1972. Et le message a tellement fonctionné que ça a fait partie du marketing d'Eggo pendant 36 ans. Kellogg a fini par enlever le slogan en 2008. Mais rien ne peut empêcher les gens de le dire quand même. Et la compagnie a finalement ramené Lego My Eggo à la fin de 2014. Les fans d'Eggo ont eu la difficulté en 2009 et en 2010. En 2009, Kellogg a affronté la plus grande crise des gaufres. En septembre, l'usine d'Atlanta de la compagnie, une de 4 usines qui fabriquent des Eggo, avait une infection de Listeria, ce qui a nécessité le rappel de 4500 pas boîtes, là, mais j'imagine palettes ou ouais. des groupes de boîtes de gaufres. L'usine allait réouvrir et finalement, il y a eu plein de pluie, des inondations dans leur coin, ce qui a encore plus remis la production à plus tard. Bref, il y a eu plein de problèmes comme ça, des réparations d'équipements. Tout ça a été un désastre en 2009. Et puis, ça a continué jusqu'à la mi-2010. Kellogg a réussi à arranger le problème et les congélateurs pouvaient de nouveau se remplir de gaufres. Et Dorsa a jamais réussi à perfectionner les crêpes. Si vous avez déjà mangé des crêpes Eggo, c'est pas la meilleure affaire au monde. Non, vraiment pas. Lorsque le parrain de Eggo, Frank Dorsa, est mort en 96, son avis de décès mentionnait qu'il n'avait jamais abandonné l'expérimentation et l'invention. Il a créé une friteuse qui pouvait empêcher le bacon de torsader et plusieurs autres innovations. Le fils de Dorsa a révélé qu'un but qu'il a constamment essayé d'atteindre était une recette pour des crêpes congelées. Maintenant, Eggo vend des crêpes, donc j'imagine qu'il serait peut-être heureux, mais c'était avant, c'était après sa mort. Et encore plus, moi je dis, la qualité est pas malade. C'est tant non, que ça. Non, c'est vrai, ça, on dirait que ça goûte la... La pâte, t'as raison, mais pas dans le bon sens. Non, c'est ça. Voilà, bref, pour son foutu palmarès. Dans quelques instants, Véronique Mire va être avec nous pour Véronique Lopédie dans 2 minutes. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage d'équipe pour toi aujourd'hui. Toujours au 89.1 FM dans l'émission Assemblage d'équipe accompagné de Mathieu Blanc. Et de Tania Baudin. Oh que oui. Oh oui, et maintenant on est très très heureux, enfin, ça fait vraiment très longtemps. Très très longtemps. En fait, entre chaque fois qu'on se voit, entre 2 années de Véronique Lopédie, des fois le temps est long. On s'ennuie de toi, Véronique Mire. Oh, moi aussi je m'ennuie. Ah, mais t'es de retour maintenant pour durer, j'espère. Et crime, après la péripétie de... Hey, moi j'avais hâte de venir, là. Oui, la péripétie... C'est Oui. Les auditeurs ne sont pas nécessairement au courant. On va leur raconter, en fait. Hier, Véronique Mire est arrivée en studio. Ah, yay, yeah, ma chronique. Oupidoupidou. Là, je lui montre le message texte qu'on s'était échangé. Ça disait jeudi, pas mercredi. Non? Oui. Ça disait jeudi comme 3 fois. Oui, oui, oui. Voyons, on s'en est assuré. On s'est même renvoyé la balle plusieurs fois pour confirmer. Et oui. Mais bon, c'est comme ça le début de la saison. C'est pas grave. Maintenant, elle est avec nous. Donc, voici Véronique Mire et sa Véronique Lopédie. Une autre saison qui commence. Ouais. Toujours dans le désordre les plus complets. On est passé au format Véronique Lopédie l'année passée. Ouais. Avant, on faisait ça dans un ordre alphabétique. Exact. De Z à A, tu sais, parce que tant qu'à faire alphabétique, je fais jamais les choses dans le même ordre que c'est tout ça. Le monde. Tu viens pas le bonjour, etc. Ouais. Donc, on a plusieurs sujets à aborder aujourd'hui. Oui. Parler un petit peu sur Facebook, on allait parler de pléonasme, de mythes animaliers. Mm-hmm. Par quoi est-ce qu'on commence? On va commencer par le surprenant pouvoir de l'incertitude. Oh boy! À qui le dis-tu? Véronique Mire, tu veux même pas savoir comment je suis un gars éternellement indécis. Ah, ouais. Plus je connais Mathieu, plus je me rends compte. De ne pas décider. Plus je la gosse, finalement. C'est aussi beaucoup de ne pas savoir, plus que de ne pas avoir la certitude que quelque chose est. D'où ça vient, oui. Qui a fait ça, c'est beaucoup ça. Donc, je me suis beaucoup intéressée au sujet du bonheur dans la dernière année, puisque, en parallèle ici à la chronique, là, je travaille au service aux étudiants à l'UQTR. Puis, on donne un atelier sur la gestion du stress. Puis, j'ai eu à lire pas mal de livres là-dessus, dont un qui s'appelle... en tout cas, c'est « Pourquoi les gens heureux vivent-ils plus longtemps? » Ah, bon, d'accord. Intéressant. Puis, c'est 100 études qui sont rapportées dans ce livre-là. C'est une mine d'or, là, quand tu fais une chronique radio. Le stress, quand on a partout, les épaules, le dos, j'imagine que ça occasionne des problèmes de santé, quelque part comme ça. Mais moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que les gens qui sont... littéralement, là, 100% heureux sont juste plus naïfs. Ça existe pas, je pense. Ceux qui ont l'air tout le temps heureux, là, qui sont happy-go-lucky, ça cache quelque chose. C'est sûr que oui, sinon il faut que tu sois naïf pour tout le temps être heureux, non? Dans une chronique passée, j'avais parlé de ça, du fait qu'on avait parlé des républicains et des démocrates. Oui, exact. Les républicains qui étaient un petit peu plus « ça me dérange pas tant, c'est correct, on y va simplement. » Prenez-en des guns, c'est pas grave. Mais qui se cassaient quand même moins la tête que les démocrates. Mmh. Donc, en tout cas, c'est quand même assez spécial. Mais on peut être trop heureux, hein, par contre, parce que aussi, j'avais parlé d'une équation du bonheur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Le ratio de Lozada qui était de 3... Ça prenait 3 éléments positifs pour comme effacer un élément négatif. Donc, puis là, je ressors toujours mon image de Darth Vader. Là, le mal l'emporte sur le bien. Exactement. Malheureusement. Mais on peut être trop heureux, si on a 11 pour 1. Ça a été prouvé scientifiquement que là, on n'a comme plus la juste notion de quoi un problème, Et que les choses amusantes te rendent pas aussi heureux peut-être parce que t'es comme trop habitué d'avoir du bonheur autour de toi. Oui, exactement. Ou ton bonheur n'est pas nécessairement vraiment du bonheur. En tout cas, Ou que tu réagis pas, tu sais, bien ou vite quand t'arrive quelque chose à quoi tu devrais réagir. Ouais. Donc, là, mon point de vue, c'est plus... je vais vous faire une mise en situation, Un sketch. Oui, c'est ça. Okay. Imaginez un petit matin, il fait beau dehors, vous vous levez, vous êtes habillé, vous avez mangé et tout, là, et vous allez chercher votre courrier. Oui. Et chose qui ne nous arrive pas souvent quand on va chercher un courrier... Non, la malle n'est pas passée alors qu'on se lève. C'est ça, exactement. Même mettons que vous n'êtes pas allé la veille, puis que la malle est là. Faut que ce soit réaliste, vous avez un chèque de 100 $ dans la malle. Merveilleux. Courrier, on va dire ça comme faux, là. Voulez-vous savoir c'est qui vous a envoyé ça, ce chèque-là, ou pas? Est-ce qu'il y a notre nom dessus? Regarde sur l'enveloppe. Ouais. Il y a votre nom dessus, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'indication. J'avoue que j'ai déjà vécu une situation comme celle-là, et effectivement, je ne savais pas qui me l'avait envoyé. C'était effectivement de l'argent dans une enveloppe, je vous le promets. Ah! Et oui, j'ai voulu savoir, j'ai cherché. Mais j'ai réussi à trouver le nom de la personne, et je l'ai remercié. OK. Je pense que pour remercier la personne, si ça vient d'une personne, je vais vouloir la remercier. Oui. Mais si ça vient, par exemple, je sais pas moi, de ma banque parce qu'ils ont fait une erreur de changement de compte ou peu importe, c'est votre erreur. Oui, oui. L'argent est à toi pareil. C'est ça. Au moins, t'es pas perdante. Exactement. Oui. Mm-hmm. En fait, de façon générale, le fait de ne pas savoir qui a envoyé le chèque prolonge le bonheur d'avoir reçu le 100 $ que, le moment de la quête, là, si on veut, où tu cherches qui te l'a donné quand tu sais pas c'est qui, ça, c'est un moment excitant. Là. Oui, mais aussi, tu te sens un petit peu mal parce que tu te dis, c'est peut-être pas mon argent, peut-être que c'est peut-être que je vais devoir le rembourser. C'est peut-être la boîte à mal à côté. Oui, mais s'il y a ton nom dessus. Hein? Ouais, mais mettons que si simplement tu fais « Wow, j'ai reçu 100$ », puis tu le prends, puis tu te dis « Hey, c'est donc bien le fun ». Tu sais, pourquoi ça m'arrive? Mm-hmm. Tu sais, puis bon, il y a plein de bonnes raisons. Donc, il y a des études qui ont démontré qu'il vaut mieux ignorer les raisons des choses positives qui nous arrivent. Pose pas de questions. Ouais, c'est ça. Donc, en 2017, Kurtz Wilson et Gilbert, aux États-Unis, ont fait une étude où ils demandaient à des étudiants de choisir leurs préférences, d'indiquer leurs préférences entre plusieurs cadeaux. qu'il recevrait à la fin de l'étude, comme une boîte de chocolat, un appareil photo jetable, une tasse de café, rien de très dispendieux ouais, ou un gros voyage ou quelque chose, mais quand même. Moi, je prends la tasse à café. Oui. En 2007. Même là, les appareils photo jetables. Quand même. Ouais, 2007. Quand même. Ben, donc, pour prendre des souvenirs. Ouais. Mais à part ça, donc, indiquer... Je retiens pas les choses importantes non, de la chronique. Non, focus. Indiquer leurs deux préférences, ou en tout cas par ordre d'importance, si on veut, quel cadeau qu'ils aimeraient recevoir à la fin de l'étude. Donc, on leur annonçait ensuite qu'à la fin, soit il y aurait un groupe qui recevrait son cadeau préféré, donc le groupe un cadeau certain, un de leurs deux cadeaux préférés, donc un cadeau incertain, ou leurs deux cadeaux préférés. Ah. OK. Et tout de suite, en sortant de l'étude, les participants du groupe incertain étaient ceux qui restaient de bonne humeur le plus longtemps, comparé à ceux qui, sur le coup, ben, soit savaient qu'il y en avait deux, déçu, sinon. Ou un « Wouhou, je suis content, je sais ce que je vais recevoir », mais après, ben, ça tombait un peu dans l'oubli. Parce que quand on ne comprend pas quelque chose, ça attire plus notre attention que quand on arrive à saisir d'où ça vient. Comme si quelqu'un vous arrivait que vous connaissez pas puis qui vous disait « Moi, j'ai un frère puis une sœur puis les trois, on est nés le même jour. » Vous êtes des triplés. Oui, ouais, c'est logique. Est-ce qu'il y aurait d'autres hypothèses? Non. Le même jour, mais pas de la même année. Ah oui, ben oui, il y a ça. Ça pourrait. Pourquoi c'est arrivé? Comment ça se fait que c'est arrivé? Une coïncidence. Ou sa mère a 7 ans. Oui, c'est ça. Pour toutes les avoir la même date. Césarienne, allô? Ouais. Oui, c'est ça. Donc, il peut avoir plusieurs hypothèses que là, ben, on s'emballe, on peut inventer n'importe quelqu'un quoi. Quelqu'un d'adopté, tu peux dire que c'est ton frère ou ta sœur quand même. On peut avoir été adopté tout le même jour. Mais si la personne vous dit, comme vous l'avez dit dès le départ, bien simplement, ben, on est juste des triplés, ben, OK. C'est décevant. C'est correct. C'est quand même impressionnant, des triplés, mais quand même, ça vient vite expliquer. C'est rare, mais c'est pas des quadruplés. Oui, c'est ça. Bon. Donc, on est naturellement programmé pour penser aux choses qu'on ne comprend pas ou qui ne sont pas terminées. Quand quelque chose est expliqué, on le stocke dans notre mémoire, puis on passe à autre chose. Ouais. Hein? Surtout dans notre société nord-américaine où tout va très vite, là, quand c'est compris, c'est beau, on passe à autre chose. À part si c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment. Si ça reste en suspens, par contre, on peut y penser plus longtemps, même des fois toute la journée, dépendant de ce qui s'est passé. Donc, curieusement, même une situation positive, avoir juste la simple illusion qu'on en a compris des bouts ou qu'on comprend ce qui s'est passé, ça en diminue le plaisir, même si c'est quelque chose qui est bien. Donc, en 2005, avant l'étude précédente, ben, dans le même ordre d'idée, il y avait une autre équipe de chercheurs qui avait, dans une bibliothèque, donné à plusieurs étudiants un billet de 1$, c'était pas grand-chose, avec une petite carte explicative qui disait, qui était différente pour deux cas. Donc, dans un cas, la carte disait « La Société du sourire, groupement étudiant, nous aimons promouvoir les actes de gentillesse. Bonne journée. » OK. Au 1$. Et sur l'autre, on ajoutait « Qui sommes-nous? La Société du sourire, blabla. » Puis « Pourquoi faisons-nous ça? Parce que nous aimons promouvoir la gentillesse. » Donc, sur une des deux cartes, on avait des semblants de phrases qui venaient expliquer c'est pourquoi qu'on recevait ce 1$-là. Dans un deuxième temps, à la sortie de la bibliothèque, il y avait un autre chercheur qui était supposément non lié à la première étude, qui était là pour faire une petite étude sur, puis à l'université, comment ça va, vos études, puis tout ça. Puis entre autres, dans ces questions, il y avait « Votre niveau de bonheur aujourd'hui, c'est quoi? » Et les gens qui avaient reçu la carte sans les petites phrases d'explication étaient de meilleure humeur que les autres qui avaient eu des petits mots d'explication. Sans dire que les autres étaient déprimés. C'est trop terre à terre. Mais ça tombait comme moi. Pourquoi tu l'as. Okay. C'est ça, exactement. Donc, On dirait que je suis à l'inverse de ça. J'aime mieux me faire expliquer les affaires. Mais moi aussi, effectivement. Oui, bien, c'est sûr que ça dépend des personnes aussi, là, mais c'est de façon générale toujours. Donc, c'est vraiment... On est plus curieux que la moyenne. Oui, c'est la ça, curiosité. C'est ça. Le fait d'émettre des hypothèses, ben des fois, on est content, du coup, quand on dit « j'avais raison » ou ben, « ouais, c'était ça ». Mais on classe rapidement puis on passe à autre chose. Donc, ça nous prendrait des surprises toute la journée, dans le fond. Oui. À la limite, qu'on sache d'où qu'ils viennent. C'est ça qu'il faut! Ça pourrait être bien. Donc, voilà pour le premier sujet. Deuxième sujet, je vous ai parlé, en fait, j'avais annoncé sur Facebook que je parlerais de Easter Egg et caméo dans un film d'animation connu. Oui. Je n'ai pas pris le dernier, mais quand même un récent, le film Zootopia. Ah, c'est vraiment intéressant ça, pour vrai. Zootopia, j'ai entendu parler un petit peu, là, c'est pas mal fascinant. Ben oui, ben en fait, est-ce que Tania, tu sais c'est quoi le film? Je sais quel est le film. Okay. Je n'ai jamais vu le film. J'ai un profond malaise à regarder des films de bonhomme animé. OK, y a pas de problème. C'est pas correct. Désolée. Moi, je suis une vendue au Walt Disney, là, vraiment. Tout ce qui est animation et compagnie, les seuls films, en fait, que j'ai vus dans peut-être les cinq dernières années en dessin animé, c'est Moana, puis les Minions. OK. Ça non. peut, ça t'a turn off. Ben, Despicable Me. Oui, je sais. Celui-là, pas les Minions du direct. J'suis pas capable. Ouais. Donc, Zootopia, ben, c'est une lapine, Judy Hopps, je connais bien son nom, qui entre dans la police et qui a à régler, résoudre une enquête. Puis là, elle va rencontrer un renard virtuose de l'arnaque qui s'appelle Nick Wilde. Et dans ce film-là, il y a beaucoup de caméos, d'Easter egg. En tout cas, quand j'ai vu l'article là-dessus, là, j'ai pas noté là, d'où il venait, là, comme d'habitude, tu sais. C'est des sources, hein? C'est pas important, même, ça. Ouais, ouais. Mais bon, il y en a plein, en fait, sur Internet. Là. On peut voir beaucoup de marques qui ont été converties pour le film en version animale et de références à d'autres films, parce que Disney fait beaucoup ça, Pixar et compagnie. Des références, parce que les producteurs ou les réalisateurs des films sont Byron Howard, Rich Moore et Jared Bush, qui ont fait La Reine des Neiges, Les Mondes de Ralph, Les Nouveaux Héros et Réponse. Donc, Les Nouveaux Héros, là, Big Hero 6, là, moi, Les Nouveaux Héros, ça me dit rien, non, mais non Big plus. Hero 6, ça me dit quelque chose. Donc, entre autres, les marques converties en animaux, ben on avait, en référence aux animaux, le logo d'Apple a été utilisé dans le film et remplacé par une carotte mordue non, plutôt ben qu'une oui. pomme. Starbucks est remplacé par Snarlbucks. Le slogan de Nike, Just Do It, est remplacé par Just Zoo It. Ah. Burberry est remplacé par Bearberry. C'est bon, ça. Lululemon, une marque sportive pour le yoga, c'est Lululemmings. À un moment donné, on voit des petites madames, des genres de petites fouines qui sortent d'un centre commercial puis ont des sacs rouges avec une cible dessus de Target. Oui, nos regrettés Target. Oui. Qui sont des Targoat. Ah, ben oui. Et Uber est remplacé par Zuber. Ben oui. Ou Zuber. Ils sont allés facile un petit peu dans certains. Clairement. Ouais, c'est ça. Mais quand même, c'est intéressant. Il y a toute la notion des Hidden Mickeys aussi qu'il y a beaucoup. Là. Ils font, tu sais, on voit une silhouette de tête de Mickey ou des personnages qui ressemblent à une tête de Mickey. Et des fois, il y a des allusions très... on peut pas les rater, là. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a carrément une petite famille d'hippopotames qui se promène avec un bébé dans une poussette. Et en dessous, là, dans l'espèce de rack où on met toutes les patentes, il y a un Mickey Mouse en toutou. Ah. Vraiment, quand même, très évident. Mais Zootopia, c'est Disney ou c'est Pixar? C'est Pixar? Pixar, hein? Disney, non, c'est Disney. Disney? Ouais. Disney Pixar, ben c'est toute la même... Ouais, hein, c'est ça. C'est maintenant rendu la même chose, je pense. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les réalisateurs ont fait La Reine des Neiges, Les Mondes de Ralph, Big Hero 6 et Réponse. Et il y a des références à La Reine des Neiges à un moment donné. Bon, dans Zootopia, on passe dans plusieurs univers, si on veut, les animaux qui habitent chacun dans leurs espèces de faune et flore respectives. Quand ils sont à Tundra Town, il y a une maman éléphant qui se promène avec ses deux petites filles qui sont déguisées en Elsa et Anna de La Reine des Neiges. Ah. Et un petit peu plus tard dans le film, on va voir la Anne's Pastry Shop. Anne's qui est celui qui aide Anna là, à retrouver sa sœur dans La Reine des Neiges. Par rapport à Big Hero 6, à un moment donné, on est dans le bureau du chef de la police, Bogo, et on voit en arrière-plan un calendrier de la ville de San Francisco, qui est la ville dans Big Hero 6. Et à un moment donné aussi, il y a plein de jaquettes de DVD sur une table. OK. Et là, on voit vraiment là, plein de références. C'est très drôle. Donc, Big Hero 6 plutôt que Big Hero 6. Puis, ils ont tout remplacé les pochettes pour aller avec les nouveaux titres. Wrangled plutôt que Tangled. Wreck-It Rhino plutôt que Wreck-It Ralph. Et les prochains films, ils vont aussi faire... dans ma prochaine chronique, je vais vous parler aussi de plus anciens films de Disney. Hein, souvent, on a des références beaucoup. Et on va beaucoup souvent de façon... subtil faire la promotion des films qui s'en viennent. Ouais. Donc, il y avait une pochette d'un film Miaou, là, comme le chat, le Miaouana, pour Moana, qui s'en venait après Zootopia. Jurassic pour Gigantic, qui va sortir en 2018, celui-là, fait qu'il était plus en avance. Et Frozen 2 pour Frozen 2 qui va sortir en 2019. Donc, moi, j'aime bien ça, là, je trouve ça. Mais c'est des affaires que toutes les marques de tantôt, à un moment donné dans le film, sont dans une espèce de New York version, ben Times Square, en fait, mm-hmm. version animaux. Mm-hmm. C'est là qu'on voit toutes les marques, là. Il y a Coke, il y a plein d'affaires de même. Que dans le film, ça passe bien vite, tu sais, faut que tu fasses pause pour les voir, mais quand tu lis ça après, tu sais, hey, ben oui, c'est vrai. Fait que la prochaine fois que je vais le voir, je vais plus porter attention. Je suis sûr qu'il y en a encore plus que ça, là, dans ah, c'est les sûr. Films. Il y en a. Et donc, dans la prochaine chronique, je vais vous en parler encore. Et il y aurait une théorie aussi à explorer, là, que je vais. La théorie des films. Oui, qui serait peut-être rattachée ensemble, ouais. Fait que je vais explorer ça. Peut-être que ça va te convertir, Tania, tu sais. J'ai des ça doutes. Ça me surprend, ouais, avant de passer à ton prochain sujet, t'avais fini oui. sur Zootopia? Oui, oui, oui. Tu savais que l'animateur de nouvelles dans le film est joué par un animal différent, dépendant du pays? Oui, oui, oui, oui. Oui. Intéressant quand même aux oui. États-Unis, au Canada et en France. Ouais. On a un orignal, uh-huh. Au Japon, un tanuki, en Australie, un koala, en Chine, un panda, au Royaume-Uni, c'est un petit chien corgi. Et au Brésil, c'est un jaguar. Intéressant. Ah, ouais, ouais. C'est fun ça. Fait que les détails, c'est bon. Ouais. Et que le film s'appelle Zootropolis dans certaines régions du monde. Ça, tu vois. Ah, ouais. Ça, c'est drôle, hein, les titres de films qui changent d'un pays à l'autre, c'est même pour rien, aller. C'est ça. Peut-être que le mot utopie veut pas dire quelque chose. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Ou c'est un mot qui est banni. Peut-être, ouais, bon. On s'embarquera pas dans le sujet. C'est ça. Peut-être. Avant d'aller en musique, des rapidos, hein, j'aime bien ça, les trucs rapides. Oui. Puis on peut le faire comme sous forme de pointage, okay. dépendant okay. si vous avez les mêmes réponses ou pas. On verra ce que ça c'est donne. C'est sûr que sur les films d'animation, je pense que Mathieu va gagner. Non, c'est pas okay. sur les films d'animation. C'est des mythes sur les animaux de compagnie. Oh, oh boy, OK. Donc, juste dire vrai ou faux sans justifier votre réponse, parce que moi, je vais vous dire le quoi. Donc, premier fait. Si on coupe les moustaches d'un chat, celles-ci ne repousseront pas. Faux. Faux. Ah, peut-être que vous le connaissez, celui-là. Oui, c'est faux. Non. Donc, la moustache repousse comme n'importe quel autre poil. D'ailleurs, une maman chat peut parfois couper les moustaches de ses chatons pour éviter qu'ils s'éloignent trop. Comment? Les chatons téméraires. Je veux savoir comment elle fait ça. Avec ses dents. Ah, ouais. Elle va couper agressive. Avec ses dents. Et par contre, bon, les moustaches repoussent, mais les chats sont bien clumsy, maladroits, oui. là, après qu'on leur ait coupé les moustaches. Ils utilisent ça pour leur équilibre et pour passer à travers des endroits restreints. Oui, ça leur indique la distance quand ils passent dans un petit couloir, des trucs comme ça, là. Donc, oui, vous aviez raison. Un chat ou un chien qui lèche sa plaie guérira plus rapidement. Vrai. Vrai sûrement, ouais. Non? Ben c'est faux. Ah! Oh, parce que leur gueule est pleine de bactéries considérées pathogènes. Ouais, même donc, pour eux. Même pour eux. Wow. Tu sais, quand on opère, on stérilise un chien, souvent, là, on va y mettre un cornet autour de la tête pour éviter qu'il se lèche tout le temps. Ben c'est pour vrai? Éviter qu'il arrache ses points de suture aussi, mais aussi pour éviter qu'il développe des infections. Mm-hmm. Donc, hey, les deux, vous aviez dit vrai. Ben ça, ouais, ça moi, j'étais persuadée que c'était vrai. Il va falloir qu'on joue l'un contre l'autre à la place de prendre la même réponse. C'est ça. C'est pas grave. Le Swiffer est dangereux, voire mortel pour un animal. Swiffer Wetjet, je précise. Ouais, Swiffer Wetjet. C'est vrai, hein? Non. Sinon, elle l'aurait pas dit. Ça serait quoi le but de dire que c'est... Ouais, c'est vrai. C'est faux. Ouais, vrai. C'est faux! Oh! Ah, bouh! Hey, piège! Donc, c'est vrai que les Swiffer Wetjet contiennent je vais vous dire les noms, là, glycol N-propyl, du propylène glycol N-butyl et de l'isopropanol, des produits qui sont utilisés ou qui se rapprochent de l'antigel, mais qui ne sont pas toxiques. La concentration qui se trouve dans le Swiffer Wetjet, c'est entre 1 à 4 % de ces produits-là. En gros, c'est 90 % d'eau que dans le Swiffer Wetjet. Oh, donc, ouais! Quand même. C'est bon, là qu'on apprend ça. Ben, c'est comme ça lave pas grand chose. Oui. On va y revenir après. Mais si vous donniez exclusivement à manger à votre chat ou votre chien des Swiffer Wetjet, là, peut-être qu'ils s'en seraient ouais, pas si c'est exactement. Mais s'il fait juste les chats un peu l'eau qui est à terre parce qu'ils mangent n'importe quoi, ça peut être ça. Mais parlant d'eau dans les produits, la pub, je sais pas si vous avez vu la pub sur les anti-odeurs là, qui passent à la télé. Febreze, oui. Puis la fille, elle vient les cheveux toutes des airs parce que la plupart des trucs qu'on met dans la salle de bain aussi, c'est 90 % d'eau ou beaucoup, beaucoup d'eau. Donc de l'humidité. Puis là, ils en sortent maintenant qu'ils sont plus concentrés en parfum. Mm-hmm. Mais que ça va donner ça dans les poumons, on verra bien. Non. Deux derniers avant d'aller en musique. Les chiennes devraient avoir une portée avant d'être stérilisées. Devraient avoir une portée avant d'être stérilisées. Mais si t'es... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vrai. Je veux dire que c'est faux. Je veux dire vrai. Ah ben c'est faux! Ah! Ah donc là on a une petite différence. Prrrr! Cette année, à un point d'avance. C'est juste pour pouvoir départager. Ouais, exactement. Puis il va en avoir d'autres à la fin, donc cool. On va continuer ça. Les chiennes qui ont une portée avant d'être stérilisées, avant d'être stérilisées, ne seront pas nécessairement en meilleure santé. Les chiennes stérilisées ont d'ailleurs moins de risques d'avoir des cancers ou des infections. Ah. Donc, quand même. Toi, je savais pas. Le dernier, un chien est malade quand sa truffe, son museau est chaud. Ah. C'est rare quand même. Il me semble qu'ils ont tout le temps le nez froid, non? Donc, peut-être que ça... Mais j'ai déjà entendu, si ton chien... Parce que moi, j'ai un chien, j'ai pas de chat. Mm-hmm. Je suis allergique au chat, mais j'ai entendu s'il y a des gouttelettes d'eau sur le nez, c'est qu'il fait de la fièvre. Mm. Donc, automatiquement, son nez serait chaud. Fait que je vais dire, il est vrai. Ouais, vrai aussi. C'est faux! Ah ben, moi, je... Il y a rien de vrai dans ce qu'elle dit, rien. Ouais, franchement. Non, Adam, non. Donc, on pense hein, que si la truffe est froide et humide, ça veut dire que ça va bien, qu'elle est en bonne santé. Ouais. Si elle est chaude et sec, c'est que ça irait pas bien, mais c'est pas vrai. La meilleure façon de vérifier si un animal fait de la fièvre ou s'il est malade, c'est vraiment la température. Mm. Donc, 38,5, au-delà de ça, ça va pas bien. Est-ce que c'est, pour un humain, c'est combien? 37,5. Ouais, OK, donc c'est vraiment pas loin. 5. On n'est pas loin, mais c'est sûr que, tu sais, c'est faux, mais ça peut être un symptôme, mettons. Ouais, c'est ça. Parce que comme nous, quand on se touche la tête, si on est hyper bouillant, il y a des bonnes chances qu'on soit proche de faire de la fièvre. Hmm. Donc voilà pour première portion. Cool, on se fait en prendre une deuxième tantôt, moi j'ai encore faim. Là, oui, tout à fait. On va dédier ça aux chiens qui ont des gales, qui veulent tout le temps s'arracher, donc on écoute... Galloway Road. De Maud Audet. De Maud Audet. Assemblage requis. <tricky. rire> Affaire. Galway Love de Monde Audet à Assemblage Rookie. Toujours avec Véronique Mire et sa Véroniclopédie. On a déjà abordé plusieurs sujets, mais Colin, on a tellement de fun qu'on continue ça avec un deuxième bout. Hey, un petit bout! Ben, je vous avais dit qu'il y aurait quand même une deuxième portion de mythes animaliers. Non, non, non! Hey, là, elle parle de petit bout de chien. Oui, non, non. Je parlais de saucisse à la dog cocktail. Hey, Tania avait un point d'avance sur Mathieu, hein, avant qu'on parte en musique. Tu comptes sans feuilles, toi, là. Ben, je compte dans ma tête, mais j'espère, en tout cas. J'ai de la misère à compter alors que j'ai une feuille d'habitude pour faire le score. C'est ça, t'imagines. Parce que vous avez été en équipe sur les autres points. On s'entend bien. C'est plus facile. Ouais. On a souvent le même style de pensée aussi, fait que ça devient un peu... On est cave, les deux. Ouais. On est cave. Non! Parle pour toi. Hein. Ben, je suis étonnée quand même. Un point qui départage. Donc, il en reste 5. D'accord. Alors, parce qu'un point de départage, mais on a eu tort sur tout ça. Oui, quand même. Oui. Hey, vous m'avez étonné, là. Donc, je suis dans l'incertitude. Moi, je suis bien heureuse. Alors. Hey, mais c'est heureux. Il ne faut pas dire ça. On s'est traité de cave, nous, mais toi, tu es intelligent. À ta partielle. Oui. Donc, un prochain. Les chats ou les chiens croisés sont plus résistants que les chats ou chiens de race? Moi, je dirais oui, parce qu'ils doivent avoir les meilleurs côtés des deux races. Ouais. OK, moi je dirais non. Parce que ça dilue les... Oui, c'est ouais, ça. Peut-être. C'est faux. Hé, hey, Tania, t'as fait deux points! Hey, un jour, elle va dire quelque chose de vrai. Je suis tellement compétitive qu'elle n'a aucune idée à quel point j'enregistre. Moi, j'ai aucun côté compétitif, fait, tu c'est vois. C'est ça la différence. C'est là la différence. Donc, qu'il soit de race ou non, chacun peut avoir des problèmes de santé. Cependant, c'est vrai que les chiens croisés ou les chats croisés ne rencontrent pas les problèmes liés aux maladies génétiques congénitales que les chiens de race ont. Mm-hmm. Donc, quand on se met à penser à ça un peu, là, c'est toujours un petit peu étrange. Ouais. Mais, tu sais, les animaux, c'est ça. Je sais pas s'ils pensent à ça, eux autres. Hein. J'ai couché avec ma sœur. Les animaux consanguins. C'est ça. Les animaux métis. Quand même. Donc, les deux peuvent être malades, mais pour différentes raisons. Mm-hmm. Un autre, l'aspect de son poil révèle son état de santé au chaud gaucher. Ah, ça, c'est sûr que c'est vrai, non? Ouais, moi aussi, j'aurais... des problèmes de peau. Ouais, c'est ça, sait. J'aurais tendance à dire que c'est vrai du côté dermato. Ouais. Ben, vous avez raison. Oui, c'est vrai. Surtout du côté du chat. Donc, s'il a le poil sec et terne, il souffre probablement d'une carence en acides gras et aminés. Il est dans un film de Pixar, c'est ça. Chat. Un autre qu'on entend souvent, les chats blancs sont sourds. Oui, oui, c'est vrai ça. Blanc, de couleur blanc? Ouais. Tu sais, ceux qui ont un œil bleu puis un œil vert, des fois, là. C'est beau. J'avais un chat comme ça quand j'étais jeune. Mais là, attends, là, j'essaie de réfléchir. Ma grand-mère, elle en avait un blanc. Il était pas sourd. Fait que je veux dire que c'est faux. Ma grand-mère était albinose, puis elle était pas sourde. Ben, c'est un vrai et faux, bah! Celle-là. Point 5 points pour moi. Quand même. Point 5 chaque. Donc, plus de 50% des chats blancs sont atteints de surdité. Ah. C'est causé par une anomalie okay. due à un dysfonctionnement de la partie du cerveau qui contrôle l'audition et la pigmentation du poil. Mais soyez rassurés, si vous achetez un chat blanc et qu'il est sourd, effectivement, parce que c'est le cas de plus de 50% des chats blancs, c'est pas gênant. Ils vont s'adapter, ils vont faire autre chose. Ils vont juste pas venir quand tu les appelles, mais tu sais, texte-le au pire, je sais pas. Ouais, c'est ça. Quand même. Dit. Chat avec! Ah, bravo! Snapchat! Quand même, hein? Snapchat! Les chats sont dangereux pour les femmes enceintes. Les chats sont dangereux. Ben, la litière, oui, non? Ben, moi, je dirais le poil pour l'asphyxie du bébé. Peut-être. Moi, je vais parler de la litière. Je vais dire vrai et faux. Non, c'est une blague. Vrai. Je vais dire que c'est vrai. Ben, Tania, tu t'avais gardé ta première réponse! Vrai et faux! Oh. Hey, t'es en feu un matin, là! Yeah. Tania Baudin on fire! Boom. Ok. Vrai et faux. C'est la toxoplasmose qui peut avoir de graves conséquences sur le fœtus, mais environ 0,5% des chats sont susceptibles de transmettre la maladie. De plus, les chats sont plus à risque, ou en fait, on est plus à risque de l'attraper si votre chat va à l'extérieur. Ouais. Mm-hmm. Et les chatons de 4 à 6 mois sont les plus à risque de le transmettre. Et Mathieu, par contre, avait un bon élément de réponse avec la litière. Bon. Parce que, ben c'est ça, c'est transmis par les selles du chat qui sont... Je savais que le chat avait un sel pour y écrire Snapchat. Exactement. Qui sont dangereuses, par contre, de 2 à 4 jours après leur émission. Donc, ça, c'est pour les gens qui font pas leur la litière régulièrement. Hier, quoi. Donc, tu sais, t'as couru et... après. Non, non, j'ai pas dit ça, là. Non, mais, ah, ouais. Ça arrive, tu sais, quand t'as une douzaine de chats, ta litière, t'as fait pas si souvent ça, des fois? Tu les vois à TV, hey, dans Hoarders. Et... Saviez-vous que ça prend supposément une litière de plus que le nombre de chats qu'on a? Donc, il faudrait que j'aie deux litières pour un chat? Ouais. Ah ouais? Ben non. C'est ben assez non. spécial. Ben là, wow. C'est ça qu'ils disent. Ah, mais moi non plus, j'ai la... un chat et j'ai une litière. C'est ça, fais-la deux fois par jour au pire si... Hey, ben pousse, mais pousse égale. Hey, c'est quelque chose. Le dernier. Donc là, Mathieu, il faudrait que tu ailles comme 1,5 point. OK, faut que j'aille une... Ultra raison. Ouais, c'est ultra ça. Ultra raison. Okay. Puis que moi, j'ai pas raison. C'est ça. En plus, ouais. Sinon, ça. Ouais. Correction négative. Mon chien ou chat ne sort pas. Il ne peut donc pas avoir de puce. C'est faux. Ben, c'est ça. Moi aussi, je dirais que c'est faux. Mais je vais dire vrai juste au cas où que ça puisse m'aider. Mais c'est faux. Ah. Oui, c'est faux. Alors, les puces vivent aussi à l'intérieur de la maison. On peut avoir des puces qui vont pondre de leurs œufs sur le tapis, dans les fentes du plancher, dans le divan du salon. Les Donc, Moses. Peut en avoir un peu partout. Et là, on est encore dans la hot season pour les puces parce que c'est de mai à octobre qu'elles sont les plus nombreuses. Ooh. Et elles vont pondre 40 œufs par jour. Arc! Okay, donc, elles se multiplient très rapidement. Avant de partir, donc, je trouve bon ça... Partie. Moi, j'aime bien le français un peu. Oui, nous aussi. Les pléonasmes fréquents. Oh. Donc, il y en aurait un puis un autre. Hey, la musique aujourd'hui... Je sais, c'est fatigant. Hein? Ouais, hein? On doit partir dans le sud par intermittent. C'est ouais, ça. C'est ça. On y va, on arrête, puis on, puis on y retourne. C'est ça. C'est ça. Mais quand même, c'est parce qu'on aime l'intro, tu sais. Ouais, exactement. T'sais, je dis tout le temps qu'un jour, je vais te faire un fond qui loupe comme faux. Ça serait bien. Ça doit faire 5 ans. Ça fait pas ça d'habitude. Là, c'est juste parce que je le dis. Le, hein, parce que... C'est que là, on avait arrêté de parler. Habituellement, on parle par-dessus. Oui, dessus, oui, ça, oui, paraît ça paraît moins, mettons. C'est ça. Mais bon, on en était dans les pléonasmes fréquents. Oui. Ça, je pense que ça va être une Montée bonne en mine haut d'or. Et là, il y en a tellement. Qu'on entend dans des présentations beaucoup des trucs évidents, là, des fois. Mais j'ai poussé un petit peu plus loin que l'évidence. Là. OK. Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Ouais. Au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui. En date d'aujourd'hui, ça se dit, non? Oui, parce qu'une date, c'est différent. Pas au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. C'est un méga pléonasme, ça, parce qu'aujourd'hui, en tant que tel, est lui-même un pléonasme. Lui, dans aujourd'hui, okay. Le H-U-I, signifie en ce jour. Au jour dans ce jour. Ah ouais? Donc, quand on dit au jour d'aujourd'hui, on dit au jour du jour de ce jour. Aïe! Donc, boy! Ça en fait des pléonasmes, ouais. Ça. Mais c'est quoi ça veut dire d'abord au jour de? Ah! Et le D apostrophe est bien important là-dedans. C'est ça? Au jour d'aujourd'hui. Ah, c'est vrai, c'est pas fou cette affaire. La déformation à travers le temps. On pourrait dire au jour de mardi. Au jour de mardi. Ouais, c'est ça. Peut-être. Un forum de discussion. Un forum, c'est déjà pour discuter. Mais oui, on n'a pas de forum de sieste ou de forum de méditation. Hey, ça serait malade, par exemple. Moi, je m'inscris demain matin si on a ça. J'avais pas lu aussi, il me semble qu'il n'y avait pas... Et là, je dis n'importe quoi parce que j'ai pas fait de recherche, mais il n'y a pas comme un singulier ou un pluriel dans... Je crois que c'est peut-être forum qui est pluriel et fora au singulier, quelque chose comme ça, il me semble. Ah, c'est pas vrai. Ça, je pourrais pas te dire, bref, mais c'est intéressant. Ouais. Repousser à une date ultérieure. C'est pas mal, si tu repousses... Mais, c'est pas plus tard dans la même journée. Ouais, c'est ça, mais si tu repousses, ça veut pas dire que tu repousses pas plus tard dans la journée. Ouais. Mais tu repousses pas à maintenant, ça c'est certain. Non, fait ça c'est sûr. Tu repousses à plus tard, de toute Clairement. Façon. Clairement, ouais. Donc repousser à une date ultérieure. Avant que tu continues, fora et forum sont des pluriels de forum au singulier, donc fora c'est le pluriel de forum. Ah, oh. Wow! Hey, je suis contente, ça c'est le fun à savoir. F-O-R-A? Ouais. F-O-R-A. Comme le père forum. Mm. Oh. Ouais, j'aime mieux ce nom-là. C'est ça. Prédire à l'avance. Ben oui, mais non, mais tu sais, hein. Prédire à l'avance, comme tu disais, je te prédis en retard, moi, que le Canadien va gagner la Coupe Stanley. Ben, si tu le prédis le jour où il la gagne, tu l'as prédit pas mal sur le tard. Une opportunité à saisir. Ben, ouais. Ben, une opportunité ratée, ça se dit? Oui. Oui, mais une opportunité à saisir, c'est un pléonasme. Ouais. Parce que par définition, une opportunité, c'est une occasion à saisir. C'est ouais, ça. Ok, ouais, c'est Donc, vrai. On déconseille de le laisser passer. Ouais. Le principal protagoniste du film, le héros, c'est déjà le protagoniste. Ouais. Le protagoniste, c'est déjà le premier rôle. Donc, il n'y a pas de second rôle chez les protagonistes. C'est vrai. Le taux d'alcoolémie. Eh, parce que l'alcoolémie est déjà un taux. Exact. Ouais. Ah. Et oui, donc l'alcoolémie étant un taux d'alcool dans le sang, si vous envisagez de mesurer votre taux d'alcool, perdez pas votre temps, vous êtes déjà ouais, sous. C'est ça. Donc, t'es en train de dire qu'il faudrait qu'on dise, genre, son alcoolémie était de... De. Ouais, exactement. J'ai jamais entendu ça. C'est comme dire... en cause de au lieu de à cause de. Tu sais, ça se dit, tout le monde le dit. Mais c'est pas mais ça. Mais ça se dit pas. Ouais. C'est comme la ouais. C'est à la ou dire à la suite de au lieu de oui, dire suite à. Ouais. Ça, c'en est un qui me... Moi, je suis correctrice depuis 8 ans là, pour la Revue québécoise de psychologie. Mm-hmm. Puis celle-là, là, c'est immanquable quasiment dans tous les articles. Suite à. Au niveau à de... À la suite, hein? À la suite, ça fait beaucoup de. Moi, j'avais une coloc dans le temps là, que ça, là, c'était la chose que tu disais, là, puis elle grinçait des dents. C'est automatiquement, comme, elle te le remettait dans la face. Dans le service ça, à la suite de... Aussi, quand tu te fais dire « Est-ce qu'on vous a répond? » Ah ouais. Hein? Mon ami, si j'aime mon ami Mathieu qui est... Non, j'ai pas de mal. Il saigne des oreilles. J'ai pas de mal. Ah ouais. Mais au lieu de dire « Tu réponds comme la personne t'a répondu. » Ah. J'ai pas de mal. Ouais, j'ai pas de mal. J'avoue. Non, c'est correct. On m'a rien de mal. Un danger potentiel. Mais un danger, c'est déjà potentiel, hein? Pas mal toujours potentiel. Donc, parce que s'il n'est pas potentiel, c'est qu'il est certain, hein, ou impossible. Vive sa vie, il faut bien vivre sa vie. Vis ta vinaigrette, hein? Oui. Ben oui. Oui. Sinon, oui. Vis donc ta mort ou vis la vie de quelqu'un d'autre, tu sais? Ouais. Fait c'est que, pas bien, ça. C'est comme, ça veut rien dire. Détruire entièrement. Comme peut-être, comment il s'appelle, donc? Maudit. Hey, Trump, là, qui veut détruire entièrement... comment oublier ce nom? Le calme avant la tempête. Comment peut-on oublier ce nom? Il est trop omniprésent. C'est ça l'affaire. Ouais. Mais je peux vous partir sur Trump, là, détruire entièrement. Donc, la destruction, c'est déjà total. Ouais. Ah ouais? OK. Donc, je croyais que tu pouvais détruire partiellement quelque chose. Non, si tu veux, tu peux démolir partiellement quelque chose ou dépecer. Dépendant de ce que tu parles. Je pense qu'on reste avec démolir. Donc, qui contiennent plus une idée de désagrégation ou d'émiettement que de détruire. Que de détruire. C'est destroy et détruire. Tu vois, on devrait lire toute la vraie définition des vrais mots dans le dictionnaire au moins une fois dans notre vie. C'est trop retenu. Tu lis la définition puis tu vois que le mot veut déjà dire ça. Fait que pourquoi tu rajoutes autre chose? On va se fier sur Véronique Mir. Ben moi, je connais quelqu'un que c'était... Je veux pas dire que c'était son livre de chevet, mais à chaque jour, il lisait au moins genre 5 mots dans le dictionnaire avec les définitions exactes. Les auteurs de pièces musicales, les auteurs en général de livres, des fois font ça pour avoir un meilleur vocabulaire dans leur écriture. C'est très bon, ça, je pense. Ce que j'aime bien aussi, c'est le mot du jour. Oui, tu sais, tu te donnes un mot que t'as jamais vu, puis là, tu essaies de le plugger une fois pour le retenir. Parce qu'un coup, tu l'as mis en contexte, tu vas le retenir. Exactement. Le mot du jour est le sujet du jour sur Wikipédia, genre. Pour avoir une petite variété d'informations qui vient comme ça, tout seul. Puis avant de quitter, petit bonus qui m'ont bien fait rire. Une maisonnette, une fillette, une camionnette et un nain sont toujours petits. Alors ne dites pas une petite fillette, une petite camionnette ou un petit nain. Mais là, si... Non, okay, je ne parlais pas de ça. Ouais, il y a des grands nains et il y a des petits nains. C'est relatif, tu sais. Ouais. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'avoir un ami qui était nain, mais de petite taille. Un lilliputien. Mais souvent, ça va être en comparaison. Mais non, mais quelqu'un pour qui, tu sais, dans la communauté naine, il est petit. Ouais. Oui, mais normalement, tu vas dire par rapport justement à la communauté naine, tu sais, tu vas pas dire on a rencontré un petit nain. Mais c'est un nain-naineux. Un nain-naineux. Et là, je salue mon père parce que je parlais tout le temps de ça quand j'étais plus... Tu mets des gens à dos, là, dans le sens que leurs dos vont être sur tes... Mais non, c'est pas méchant, là. C'est aucunement méchant. Je les aime, ces gens-là. Mais dans ta poche. Mais je souhaite de rencontrer quelqu'un un jour, comme ça. Je pense que je vais y laver les pieds. Il laver les pieds? Ouais. Tellement que tu vas tellement je vais triper, genre, tu sais, comme Jules César. J'ai vraiment hâte que ça arrive, ça. J'ai hâte, moi aussi. Notre local est à côté de la chasse-galerie, ça. Alors, maisonnette, maisonnette, fillette et camionnette et nain. Mais camionnette, je savais pas que c'était déjà à la base petit. C'est le plus petit d'un camion. Ouais, c'est ça. Ah, OK. J'aime quand tu dis nain. Une camionnette naine? Oui. Ah! C'est une mini-camionnette! C'est Volkswagen! C'est ça! Hey, Véronique Mir, je peux même pas te exprimer en mots comment on est heureux de t'avoir. C'était vraiment le fun. On te retrouve dans 2 semaines. Oui! Pour une autre chronique, c'est les jeudis matin vers les 7h30. Ouais. Merci, Véronique. Ça m'a fait plaisir, puis bonne continuité d'émission à vous. Vous êtes fantastiques! Merci! Ah, toi aussi! Ah, on se quitte sur l'ambiance de plage et on revient. aujourd'hui. Vous êtes assez fous. 89.1. Assemblage pour toi aujourd'hui. En ce jeudi matin, 12 octobre 2017, elle est Tania Bonnard. Et Mathieu Plante. Oui, tout à l'heure, tu vas nous faire ta chronique Tania Esgalantourigna avec tour de l'actualité. Oui, j'espère que vous allez apprécier parce que, comme je l'ai dit en début d'émission, ça va être très, très diversifié aujourd'hui. J'en ai un petit peu dans tous les domaines. J'ai peut-être juste pas touché encore à la culture dans mes recherches, mais vous allez voir si vous aimez quelque chose en particulier, c'est sûr que vous allez vous y retrouver. De tout pour tous les goûts. Exactement. Dans Tania Esgalantourigna tout à l'heure et plus tard, une grosse pointe en dresse. J'ai hâte de me rappeler de mon produit que j'ai acheté. Je me rappelle pas ce que j'ai acheté. Ah. J'ai acheté quelque chose à manger. Oh, non, non, non, non, c'est non, une surprise. Ça vient de me revenir. Ah, ça aurait été bien que ça soit une surprise même pour toi. Ouais, j'avoue, hein, je devrais faire ça. Ouais, oublie-le. Mathieu a une mémoire de poisson de gens partant. Donc, il y a une forte possibilité qu'ils s'en souviennent jamais. Et des fois, je les achète vraiment quand même à l'avance parce que d'autres gens amènent des produits puis on remplace les miens par ceux-là. C'est déjà arrivé. J'ai pas senti le commandeur du Tania, ça fait vraiment longtemps que t'en as promené. Ça fait vraiment longtemps. Je sais. J'ai travaillé là-dessus, Mathieu. OK, merci. Je te promets que la semaine prochaine, je t'amène quelque chose. Parfait. J'achète souvent des choses qui sont que je peux garder longtemps dans mon tiroir, en plus. Que... Oui, exactement. Je pense que c'est la différence. Moi, je mange tout. Toi, c'est frais. Oui, c'est ça. Amène des trucs avec un petit pack de glace ou... J'ai essayé. Moi, je vais faire le côté santé et toi, tu vas faire le côté pas santé. C'est ça. Ben, c'est ce qu'on faisait avec Stéphanie Barazzi. Exactement. Dans inspirons-nous du passé pour faire un meilleur futur. Tout à fait. Merci, Stéphanie. C'est beau, c'est beau. Justement, Stéphanie Barazzi, qui habituellement est avec nous vers les 9h le jeudi, on vous le dit tout de suite, ne sera pas là parce qu'elle elle est KO sur son divan, dit-elle. Ah bon? Ça va pas bien. Non. Malade. C'est difficile. Bref, extinction de voix. Ah, on connaît ça. Voilà, donc Tania is gonna to Tania dans quelques moments. Mais avant ça, on s'écoute du Dead From Above 1979. Voici Never Swim Alone. C'est pour aller avec le fond de plage. Oui, exactement. Ça a toujours aucun sens, le fond d'eau en arrière. Je sais, hein. Il y a plein d'intros comme ça qui ont aucun sens. Leave a message after the tone. Ah, c'est ma fin que j'aime tant. Je me rappelle jamais que c'est dans ce band-là. Oui, c'est ça. C'est là, Mathieu. Ah, quel bon moment. Dead From Above, 1979. Et la pièce Never Swim Alone à Assemblage Rocky. Et maintenant, on ne sera jamais plus seul pour cette prochaine demi-heure parce que voici Tanya Is Gonna Entertain Ya. C'était une petite Tanya qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tanya. And she's gonna entertain ya. On peut continuer encore si t'as encore besoin de temps. Non, ça va, c'est bon, merci. Donc, Tanya, aujourd'hui, petit tour de l'actualité dans pas mal tous les domaines. Oui, tout à fait. Qui t'intéresse, bien sûr. C'est quand même le tour de l'actualité à ton avis, avec ton œil de recherchiste. C'est ce qu'on appelle le tour de tout ce qui a attiré Tanya Tension. Oui, en effet. On va commencer tout ça du côté local un petit peu. On le sait, hier, il y avait un débat du côté de l'Université du Québec à Trois-Rivières pour la mairie de Trois-Rivières avec seulement deux personnes présentes. En fait, c'est tout simplement parce que le maire, Yves Lévesque, qui est présentement maire. Il est au-dessus de ça, lui. Non, en fait, c'est qu'il était en préparation de son lancement de campagne hier soir. Donc, durant toute la journée, il pouvait pas se déplacer. Le reste de la journée, de la semaine et du mois pour se préparer, pour pouvoir garder une case horaire ouverte pour l'UQTR, non? Écoute, c'est pas moi qui est son chef de parti. Non, mais tu sais, on pose la question. Les étudiants sont une grande partie de Trois-Rivières, c'est une ville universitaire. J'ai de la misère à comprendre comment tu peux justifier ça, même si t'avais la préparation à faire. De la misère. Mais c'est juste moi. Non, mais c'est comprenable. Écoute, je ne pourrais te dire, je ne lui ai point demandé. On lui poserait bien la question, mais habituellement, il répond pas au téléphone. Exactement. Donc, il y a eu un lancement de campagne hier de la part de Yves Lévesque et les projets futurs pour son cinquième mandat ont été annoncés. Il y a aussi eu 750 personnes présentes. Donc, c'est une des plus grandes foulées pour un lancement de campagne électorale municipale qu'il y a eu hier du côté de l'Urbania à Trois-Rivières. Donc, beaucoup de gens étaient là. Beaucoup de gens étaient là pour appuyer, surtout le maire Yves Lévesque. Et, j'imagine qu'on va entendre parler des lancements de campagne aussi des autres candidats dans les prochains jours. Savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement. Savoir aussi combien il y a eu de gens à leur lancement de campagne parce que, veut pas, ça veut un petit peu dire quelque chose aussi au nombre de personnes qui vont être présentes lorsque tu pitches ta campagne. Pour aller comme voter. Ça. Exactement, pour aller voter. Les gens qui vont te montrer leur support directement en une soirée, c'est très démonstratif. Il y en a aussi qui sont présents simplement par simple curiosité. On veut le savoir, on veut savoir à quoi s'attendre, on veut faire un petit peu de comparaison aussi. Donc, vous le savez, le 5 novembre prochain, vous allez devoir voter. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est juste aller voter. Oui. Parce que évidemment, on le sait depuis des années, on ne refait pas la roue et on ne refait pas les règles non plus. Mais si vous n'allez pas voter, je suis désolée, mais vous n'avez pas nécessairement le droit de chialer non plus par la suite. Ça, j'ai un petit peu de misère avec ça. Je pense que vous avez le droit quand même, mais c'est votre devoir de citoyen. Oui, exactement, c'est votre devoir de citoyen. Mais si tu chiales, pourquoi tu n'as pas été voté? Ben oui, c'est sûr. À moins d'avoir une excellente bonne raison. Un billet du médecin. Exactement. Je ne vois pas pourquoi les gens n'iraient pas voter. J'irais coma. S'ils veulent absolument... Oui, c'est ça. Coma, accident de la route en se rendant à l'élection, c'est correct. Mais sinon, vous n'avez pas vraiment de raison de ne pas aller voter. Ça, j'aime ça. Ça, c'est bien dit. Exactement. Si on y va du côté international, cette fois, du côté de la France un petit peu plus, eh bien, savais-tu que le nombre de médecins diplômés à l'étranger en France a doublé en 10 ans? Oui. Donc, on dit souvent que nos médecins, ils s'en vont. Ils font leur étude ici, puis par la suite, ils s'en vont. En France. Les Québécois, ou peu importe, mais les Français, eux, quittent. Ah! Pour aller faire leurs études et reviennent. Aha, donc, oui, exactement. Au 1er janvier 2017, la France comptait 26 805 médecins qui étaient titulaires d'un diplôme européen ou extra-européen, donc à l'extérieur de l'Europe. Il y a eu une hausse de 7,8 points par rapport à 2007. C'est quand même beaucoup. Et sans eux, bien, il y a un certain nombre d'hôpitaux en France qui pourraient tout simplement pas fonctionner. Donc, on se rend compte que les Français, peut-être que les études coûtent extrêmement plus cher. On voit justement l'extra-européen, donc à l'extérieur de l'Europe, comme une bonne solution. Mais une chose qui est impressionnante quand même, c'est qu'on revient au pays. Donc, on a cet attachement quand même de vouloir revenir, de vouloir œuvrer chez nous. Dans ta patrie. Dans notre patrie, exactement. Donc, le nombre de médecins avec un diplôme européen quand même multiplié par deux entre 2007 et 2017. C'est beaucoup et on devrait atteindre aussi les 30 000 en 2020. Donc, il reste quand même des gens qui vont revenir au pays. Et il y a un fait notable à tout ça, la montée en puissance des médecins diplômés, par exemple en Roumanie, sont aujourd'hui 4254. C'est un nombre qui a été multiplié par 7. Wow. Donc, la Roumanie semble être un endroit où justement la médecine est enseignée, très bien enseignée, et où les Français semblent vouloir aller étudier. Donc, ce sont des effectifs qui parlent par eux-mêmes. Aujourd'hui, la Roumanie connaît une vraie fuite de diplômes, si on peut dire. C'est dû à des propositions salariales qui sont catastrophiques. Donc, du côté de la Roumanie, on n'a pas nécessairement beaucoup d'emplois non plus parce que, justement, ce sont la plupart du temps des gens qui ne viennent pas de la Roumanie qui vont étudier en Roumanie et qui, par la suite, vont quitter. Donc, c'est on dit que les Français rendent quand même un énorme service à la communauté française en allant étudier ailleurs pour des coûts qui sont beaucoup moins chers, mais qui reviennent. Chose que nous, les étudiants, semblent faire à l'inverse. Ouais, un petit peu. Ouais. La Roumanie, là, ça ressemble à une compagnie qui fabriquait des grandes roues, là, ça? Ah oui? Pour les foires, c'est Roumanie. Oui, Roumanie. Oh boy. Mathieu, tu sais, on en a parlé légèrement, mais pas trop. On n'a pas été trop en profondeur avec la fusillade de Las Vegas. Oui. Mais là, hier soir, à 22h09, il y a une nouvelle qui est sortie sur pas mal de... pas mal de médias qui m'a quand même assez surprise. En fait, du côté de la fusillade de Las Vegas, la police est poursuivie pour avoir réagi trop lentement. Donc, il y a c'était des... quoi, 11 minutes de tir, je crois? Quelque chose comme ça? Une dizaine? Ouais, ouais. Exactement. Ouais. Donc, il y a des avocats qui ont déposé une poursuite relativement aux instants qui ont précédé la tuerie à Las Vegas, justement se demandant pourquoi la police et les agents de sécurité du festival et de l'hôtel n'ont pas agi plus rapidement pour stopper l'homme armé. Ouais, faut quand même dire qu'il fallait trouver où il était, parce qu'en tant que tel, les balles venaient de pas mal dans les airs. Là, dans les airs, puis on s'entend que Las Vegas, c'est pas l'endroit la plus facile à pouvoir trouver quelqu'un. Les fenêtres sont pleines de miroirs, en plus. Plein de miroirs. Et le bruit est en écho partout avec les bâtisses. Il y a juste ça, des fenêtres à Las Vegas. Il n'y a pas grand-chose d'autre que des fenêtres à Las Vegas. Donc, les avocats ont organisé une conférence de presse avec les familles des victimes de la tuerie, qui a fait quand même 58 morts, une centaine de blessés parmi les gens qui ont été réunis pour assister à un concert extérieur. Et ils veulent savoir pourquoi 6 minutes se sont écoulées sans une intervention policière entre le moment où l'homme armé, qui était Stephen Paddock, a tiré 200 balles dans un couloir de l'hôtel Mandalay Bay, on a su finalement l'hôtel où il se trouvait, et celui où il a commencé à tuer des gens dans la foule à l'extérieur par la fenêtre de la chambre. Ça comme ça, là, mais 6 minutes pour trouver quelqu'un là, à l'intérieur d'un endroit comme Las Vegas. C'est bon, je pense. Je trouve que c'est une bonne moyenne. Ouais. Tu sais, c'est ça. Oui, ça peut sembler long comme temps, mais il n'y a pas personne qui sait d'où il arrive. Là. C'est un grand hôtel, faut c'est dire. Un grand hôtel. Et le nombre de balles, c'est seulement à cause de ses fusils automatiques. Oui, c'est ça, exactement, de sa transformation de fusil. Donc, en fait, on demande aussi comment est-ce que le tueur a été en mesure d'apporter plus de 20 fusils dans sa chambre d'hôtel. C'est simple, par des valises sur une échelle de plusieurs jours. Je crois que c'était plusieurs valises par jour pendant 3 jours, je crois. Probablement, ça porte tellement à soupçon là, d'amener des valises dans une chambre d'hôtel. Il y a un employé de l'entretien de l'hôtel qui a dit que les répartiteurs de l'hôtel ont entendu des coups de feu, oui, mais il n'était pas soupçonné de rien parce que ça s'est fait très, très, très, très, très subtilement. Ouais. Donc, on travaillait sur une porte qui était bloquée au 32e étage lorsqu'on a entendu les coups de feu et tout ça. Donc, il va y avoir, bien évidemment, une suite à cette fameuse poursuite-là. Il y avait des caméras partout, en plus, à l'extérieur de la chambre pour savoir quand quelqu'un s'en venait. Donc, tu sais, pour vrai, il y a beaucoup de facteurs là-dedans qui sont... Tout à fait, qui sont à considérer. Et j'imagine que ça va quand même prendre un bon moment avant de pouvoir délibérer sur tout ça, voir comment les poursuites vont se passer. Mais bon, c'est chose qui a été fait quand même. Je croyais pas que ça allait se faire. Mais évidemment, là où il y a place à pouvoir faire un petit peu de... de politique? Oui, évidemment. On va en faire du côté des États-Unis. Vous savez, le zéro déchet, ça gagne beaucoup en popularité. Oui. Ça gagne aussi présentement les produits hygiéniques et cosmétiques, surtout au Canada. Donc, il y a un mouvement zéro déchet qui a vraiment le vent dans les voiles. Et après avoir fait une percée dans les cuisines, notamment avec l'ouverture d'épiceries en vrac, tellement de nouvelles façons de voir les choses, eh bien, on fait une entrée dans la salle de bain pour le zéro déchet. On parle de dentifrice, on parle de crème, de shampoing et autres cosmétiques maison qui permettent d'économiser tout en minimisant aussi son empreinte écologique. Donc, une tendance qui fait de plus en plus d'adeptes et debout pardon. Donc, ce sont, par exemple, 3 ingrédients dont on a besoin pour confectionner un exfoliant qui va être maison. Par exemple, un tube de dentifrice qui peut être fait maison ou qu'on va pouvoir retrouver en magasin, mais qui va être écologique, qui va être zéro déchet. Donc, c'est plusieurs choses comme ça. Il y a des chimistes en herbe aussi qui expliquent la composition d'une crème, contrairement à un beurre corporel formé par l'émulsion d'une phase aqueuse ou une phase huileuse. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de faire. Il y a plusieurs façons aussi qui sont dites sur Internet. Si on parle des contenants maintenant, parce que bon, c'est sûr que de réduire sa consommation de produits hygiène corporelle, c'est le premier conseil qu'on a, qu'on donne aussi pour pouvoir avoir une empreinte écologique peut-être un petit peu meilleure pour les femmes. C'est sûr que c'est surtout les femmes qui utilisent des produits cosmétiques, là, on va se le dire. Mais il y a un ingrédient sur 8 dans les produits qui sont vendus en pharmacie qui est une substance chimique industrielle. Donc, elle n'est pas écologique. Elle n'est pas bio. Et on dit, en fait, du côté de Santé Canada, qu'on ne considère pas qu'elle cause un risque pour la santé parce qu'elle se trouve en très petite quantité dans les produits. Mais ce sont des substances qui sont essentielles à une bonne hygiène. Et on mentionne aussi l'ironie du fait que des produits qui sont conçus pour nous rendre propres aient l'effet inverse sur la planète. Donc, on essaie de faire attention de plus en plus dans les salles de bain aussi. Donc, vous allez probablement voir de plus en plus de produits sortir sur de grandes tablettes devant vous à la pharmacie, comme quoi ils sont écologiques, comme quoi ils vont être bio. Et on va essayer aussi de favoriser le « do it yourself ». Donc, je pense que le zéro déchet, c'est pas mal basé justement sur cette phase-là de le faire soi-même. Il y a de plus en plus de fabricants qui mettent en marché des produits d'hygiène corporelle qui sont sans substances toxiques et ont fait des choix éclairés, évidemment. Et on parle de choses qui se font quand même bien à la maison. Des parfums, des micro-billes. Donc, c'est quand même assez présent dans les gels de douche, dans les soins exfoliants, dans des crèmes parfois. Donc, ce sont des choses qu'on peut très bien faire soi-même. Il suffit de regarder un petit peu sur Internet des vidéos souvent qui vont nous montrer comment faire ça. Et c'est très intéressant de voir aussi qu'on va opter de plus en plus au Canada et au Québec vers ce zéro déchet pour notre hygiène corporelle ou nos soins beauté. T'sais, on y pense vraiment rarement, mais souvent, regardez les ingrédients sur vos produits de beauté, mesdames. Vous allez peut-être faire le saut. Si vous faites beaucoup de boutons, mais ça se peut que si vous les faites vous-même, vos produits de beauté, ça change ça. Ça comme ça. Une chose à la fois. Oui, exactement. On va voir comment ça se passe. Et bien évidemment, il y a le festival Zéro Déchet du côté de Montréal qui va avoir lieu. Si je me souviens bien, c'est dans pas très très longtemps. Là, on en avait discuté un petit peu dans les dernières semaines. Donc, c'est un endroit, si vous êtes passionné du zéro déchet, bien évidemment, allez y faire un tour. C'est pendant une fin de semaine du côté de la ville de Montréal. Et vous allez en apprendre une panoplie de choses sur le zéro déchet. Il y a des conférences qui vont se donner. Il y a évidemment du magasinage que vous pouvez faire de ce côté-là. Ça devrait intéresser beaucoup de gens. Oui. Du côté de Montréal, on a parlé de l'intelligence artificielle qui allait se poser en plein cœur du centre de la métropole, disons-le, au Québec. On a parlé de Facebook, on a parlé de Google, on a parlé de plein de compagnies. Eh bien là, c'est pas fini parce qu'il y a d'autres compagnies qui continuent de choisir Montréal pour l'intelligence artificielle, entre autres Tails. On a embauché une cinquantaine d'experts en intelligence artificielle et c'est une multinationale française, donc Tails, a annoncé un petit peu plus tôt cette semaine d'importants investissements investissements privés dans le domaine du côté de Montréal. En 2017, on va faire la création d'un centre de recherche et technologie qui va être spécialisé en intelligence artificielle et qui va être implanté au coût de 25 millions. Il va y avoir aussi une autre indication de la vitalité dans l'innovation et la créativité de Montréal. Donc, on va vraiment essayer de travailler conjointement avec la ville pour justement l'entreprise et tout ce qui est transport urbain, tout ce qui est défense, sécurité informatique, aéronautique. C'est vraiment ça sur quoi on se penche du côté de la compagnie Thales. Donc, on veut arriver aussi à faire des recherches qui vont être neutres. Le mandat va être d'effectuer de la recherche en intelligence artificielle dans les domaines où œuvre Thales, évidemment. Donc, dans une perspective de commercialisation le plus rapidement possible en quelques mois et non pas en quelques années. On veut que, oui, vous veniez vous implanter ici du côté du Québec, du côté de Montréal, mais on veut que ce que vous alliez travailler, ça soit sur le marché assez rapidement. Chose qui se fait quand même assez rarement du côté de l'intelligence artificielle. On le sait, on en voit de plus en plus, mais ça a pris quand même des années à développer. Là, on veut que, oui, vous vous installiez ici, mais on veut voir des résultats qui vont être quand même assez rapides. Donc, l'entreprise qui est présente dans 56 pays, on compte 64 000 employés, dont déjà 1800 au Canada. On s'est associé aux plus importants acteurs montréalais, notamment l'Institut de valorisation de données qui est Ivado et l'Institut québécois d'intelligence artificielle, et on va se concentrer sur les domaines neutres. Donc, on ne va pas participer, par exemple, à la recherche militaire. On va vraiment se pencher sur les transports urbains, la sécurité informatique, l'aéronautique. On va travailler de ce côté-là. Et par ailleurs, on a souligné pendant cette grande annonce-là le momentum extraordinaire dont bénéficie actuellement la ville de Montréal. On attribue notamment aux investissements effectués depuis plus d'une décennie dans une été qui n'était pas si populaire à l'époque et qui maintenant est incroyable à travers le monde. Donc, c'est une annonce de Thales en intelligence artificielle qui survient peu après celle de Facebook. Il y a aussi DeepMind qui a décidé de s'implanter du côté de Montréal. On parle d'une compagnie qui est européenne, qui vient de la Grande-Bretagne, en fait. Donc, son siège social est du côté de l'Europe, du côté de la Grande-Bretagne. Et là, on a décidé de venir se rattacher à tous ceux qui étaient déjà à Montréal pour bénéficier un petit peu de nos experts en intelligence artificielle. Ça va se passer près de l'école informatique de l'Université McGill. L'antenne montréalaise pourrait employer à terme une vingtaine de personnes. On est la deuxième au Canada et en 3 mois, DeepMind a inauguré un laboratoire à Edmonton qui est son premier à l'extérieur de la Grande-Bretagne. Et là, on vient s'implanter ici du côté du Québec, du côté de Montréal. Donc, ça devrait faire parler. Et bien évidemment, ça va faire un petit peu bouger les choses du côté des experts en sciences au Québec, au Canada aussi. On devrait voir peut-être un petit peu plus de gens s'investir de ce côté-là et des emplois qui vont bien évidemment être comblés par nos Québécois. C'est le fun, on aime ça. Bonne chance. Le secteur automobile fait parler un petit peu parce que les investissements au Canada ont chuté depuis la récession. En fait, il n'existe aucune indication soutenue qui permet de croire que les constructeurs automobiles au Canada vont renouer avec les niveaux de dépenses en immobilisation qui étaient là avant la récession, et c'est comme une problématique présentement. Donc, selon la firme Desrosiers Automotive Consultant, le transfert d'investissement du Canada vers le Mexique et le sud des États-Unis est déjà très bien documenté. Dans son nouveau rapport, par exemple, on affirme que les dépenses en immobilisation pour l'industrie canadienne de la construction d'automobiles qui se fait ici se sont établies à 1,2 milliard de dollars par année depuis 2010. Ça représente en fait une baisse par rapport aux dépenses de 2,3 milliards par année qui étaient en moyenne entre 2000 et 2009. Donc, ça se ralentit de ce côté-là. C'est une période qui comprenait d'ailleurs une importante récession du côté du domaine de l'automobile. Ça l'a lourdement touché les constructeurs automobiles canadiens et selon la firme Desrosiers, bien les fabricants de pièces et d'accessoires ont aussi réduit leurs dépenses en immobilisation. On est passé de 565 000 comparativement à 887 000 avant la récession. Mais il y a des investissements des fabricants de camions, de caravanes qui, eux, ont augmenté pour atteindre en moyenne 82 millions par année depuis 2010 comparativement à 52 millions entre 2000 et 2009. Donc, il y a une amélioration de ce côté-là, mais il y a quand même une baisse du côté de l'investissement du secteur automobile après la récession qu'on a eue. On va peut-être voir qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là, si ça peut pas changer dans les prochaines années, parce que, bon, on le sait, on n'est plus en récession, mais ce qui arrive en récession reste quand même pendant quelques années. C'est toujours comme ça, peu importe le domaine ou la sphère qui est touchée, évidemment. Alors, du côté de l'automobile au Canada, ça va peut-être causer problème. On va voir, on va se garder à l'affût des nouvelles, comme on dit, et on va bien évidemment essayer de voir qu'est-ce qui va se passer oui, avec ça. Oui, on te fait confiance. Exactement. Du côté de l'Inde, ce que je m'apprête à vous dire, en fait, ça va peut-être vous sembler logique pour ceux qui veulent l'entendre, parce qu'on vit au Canada, on vit au Québec, on vit dans un environnement qui est sensiblement, je veux pas dire normal, mais sensiblement respectable. Mais du côté de l'Inde, un petit peu plus tôt cette semaine... Eh bien, on est arrivé avec des nouvelles lois sur le viol. En fait, avoir une relation sexuelle avec une mineure, c'est maintenant nécessairement un viol en Inde, même si le couple est marié. Parce qu'en fait, on le sait, en Inde, la majorité pour avoir une relation sexuelle, c'est de 18 ans et pour pouvoir se marier aussi. Mais tu peux te marier plus jeune, surtout dans les zones qui vont être pauvres. Donc, ça se voit de plus en plus. Il y a des jeunes qui se marient quand même à l'âge de 15, 14, 15, 16 ans du côté de l'Inde. Or, il y a des lois indiennes sur le viol qui ne s'appliquent pas aux couples mariés, qui s'appliquent seulement sur les individus, par exemple, qui ne sont pas mariés. Ce qui fait qu'il y a des relations sexuelles qui sont non consenties avec des mineurs qui étaient jusqu'à présent pas considéré comme un viol. Parce que, bon, on se disait que c'était à l'intérieur du cadre du mariage, c'était correct. Mais la Cour suprême a estimé que ça contredisait les lois sur l'âge du consentement. Parce que l'âge de consentement, c'est quand même 18 ans du côté de l'Inde. Donc, il y a une haute juridiction qui a estimé que la police devait traiter comme un viol au sein du couple les plaintes qui étaient déposées par les victimes mineures dans l'année qui suivait la commission des faits, chose qui n'était pas faite avant. On déposait des plaintes, on vous disait, ouais, mais vous êtes mariés, fait que c'est pas un viol. Y a des avocats qui se sont penchés sur la question, entre autres, qui sont à l'origine de cette espèce de remaniement de loi-là du côté de l'Inde. Donc, on a fait une décision, on a pris une décision, surtout au nom de la protection de l'enfance. Et le mariage des enfants a beau être interdit, c'est rappelé quand même qu'on le sait qu'il y a un nombre d'enfants qui sont mariés alors qu'ils n'ont pas encore 18 ans en Inde. Il y a de nombreux parents, en fait, qui marient leurs enfants avant même leur majorité pour des raisons qui sont financières, mais aussi pour éviter d'être confrontés à la honte qui s'abat sur des familles ou des membres où il n'y a pas de gens mariés encore ou qui ont eu des relations sexuelles avant le mariage. Donc, si par exemple une jeune fille de 16 ans décide d'aller coucher avec son compagnon, ben en théorie, elle n'a pas le droit, elle n'est pas mariée. Donc, on va marier cette jeune fille-là avec ce gars-là pour ne pas paraître comme des gens qui étaient à l'extérieur des lois du mariage. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas la violer. Donc, du côté de l'Inde, c'est beaucoup plus compliqué que du côté du Québec et du Canada. Mais il y a des lois, là, présentement, qui sont mises en place pour justement pouvoir avoir un meilleur encadrement versus les mineurs qui sont mariés versus les mineurs qui ne le sont pas. Et la justice indienne est saisie d'un autre cours aussi, cette fois sur les viols au sein des couples mariés. Il y a une panoplie de dépositions, en fait, de viols qui est donnée aux policiers et tout ça. Et on peut malheureusement pas faire grand-chose jusqu'à présent parce que maintenant, on va avoir un changement de loi. Mais le gouvernement s'est opposé à la pénalisation en affirmant qu'une telle évolution porterait préjudice à l'institution du mariage. Donc, on va devoir travailler très, très fort du côté de l'Inde pour pouvoir justement encadrer cette espèce de vieilles coutumes, ouais, là. Oui, c'est ça. Je vais me répéter, mais une chose à la fois. Hein? Exactement. Parce qu'on s'entend que dans mes propos, je ne veux pas être inadéquate. On fait juste rapporter des faits. On rapporte des faits et je pense que c'est assez normal qu'avant d'avoir 18 ans, même si c'est dans un couple, il peut y avoir relation sexuelle, même si on est en Inde, même si on est au Québec, hein, sachez-le. Si vous êtes marié, ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors qu'on voit que justement, là, il y a une amélioration, on veut des lois pour encadrer tout ça, je pense que ça porte espoir, en fait, un petit peu à tout ce qui entoure cette... Cette tradition, cette coutume-là. Oui, merci de l'aide. Ça fait plaisir. Il y a eu un remaniement ministériel du côté de Québec hier. C'est une nouvelle qu'on n'a pas entendu trop parler, ça. Exactement. Mais je te dirais que ça l'a passé quand même assez inaperçu selon l'heure à laquelle ça a été fait. Ah. Ça a été fait hier à 10h le matin. Mm-hmm. Si vous étiez sur Facebook, peut-être que vous en aviez vu popper en live. Pendant que ça fonctionnait, Facebook, hier. Oui, exactement, pendant que ça fonctionnait. En fait, le premier ministre Philippe Couillard a précédé hier matin un remaniement majeur de son conseil des ministres. Et c'est le premier de cette importance-là depuis l'élection des libéraux en avril 2014. Il y a eu quelques surprises, il y a eu quelques retours dont on s'attendait. Qu'est-ce qu'il faut savoir de ce fameux remaniement au niveau des libéraux au Québec? Pour le vrai monde, là, on veut savoir. Exactement, il y a une surprise majeure. En fait, c'est une recrue de 35 ans qui est André Fortin. Il est député de Pontiac. Il est revenu juste pour ça. Dédé Fortin est revenu, mesdames, messieurs. Il devient ministre des Transports. Et on le sait, le ministre des Transports, c'est un portefeuille qui est réputé pour être difficile à gérer. Alors, c'est une grande surprise parce que, bon, il est comme nouveau. C'est une recrue, 35 ans. Je sens qu'il y a certaines personnes qui vont avoir des questions assez rapides. On va vouloir avoir des résultats aussi qui sont rapides. Donc, peut-être que la peur va être à ce niveau-là. Ouais. Au niveau de cette surprise qui est majeure-là avec cette recrue-là, il y a des retours aussi. Par exemple, l'ex-ministre Robert Poëty, qui a été chassé du cabinet en janvier 2016, qui est revenu dans de nouvelles fonctions de ministre. Il est ministre de l'intégrité des marchés publics. On va voir comment ça va se passer de ce côté-là. Ça m'intrigue, il s'est fait chasser puis il est revenu. Oui, c'est ça, exactement. Il va falloir se lancer. Exactement. Il y a des rétrogradations aussi qui ont été faites hier du côté du remaniement du système politique québécois. Donc, Listerio a subi une rétrogradation, est responsable désormais de la protection des consommateurs et de l'habitation, qui est un nouveau ministère. Elle avait la condition féminine et les petites et moyennes entreprises. Et là, on a le rétrogradé à protection des consommateurs et de l'habitation. C'est drôle, ça, tu sais, on parle de rétrogradation. Je trouve pas que ça a l'air en bas ou en dessous de l'autre. Non, non, tout à fait. C'est probablement peut-être au nombre de tâches. Ouais, peut-être. Probablement ou à la visibilité du poste. La visibilité du poste, c'est quelque chose qui est possible. On le sait, Listerio, elle a quand même été dans les médias à plusieurs reprises dans les dernières années. Alors peut-être que c'est pour cette raison, on ne sait pas encore. Il y a eu des échanges aussi, par exemple, Pierre Moreau qui est passé du Conseil du Trésor aux ressources naturelles. Il y a Pierre Arcan qui est passé des ressources naturelles au Conseil du Trésor. Donc il y a des échanges qui se sont faits au sein du système politique des libéraux. Il y a des recrues aussi au PS. Qui est Stéphane Bilette. On va prendre du galon. On passe maintenant du ministre et moyennes entreprises. Donc, on prend la place de Listerio. Ouais. Il y a des intouchables aussi, évidemment, du côté... Il n'y a personne d'intouchable, mais bon... Il y en a qui gardent leur place. C'est plus, ça, exactement. Il y a plusieurs ministres qui ont changé de portefeuille, mais le cœur de l'activité gouvernementale demeure quand même entre les mains de Carlos Letao aux finances. Gaétan Barrette reste à la santé. Sébastien Proulx reste à l'éducation aussi. Jean-Marc Fournier est demeuré leader du gouvernement. Il est responsable des relations canadiennes. Stéphane Vallée, lui aussi, reste à la justice. Martin Coiteux va continuer de cumuler les affaires municipales et la sécurité publique. Julie Boulay aussi reste à l'intérieur du remaniement. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a qui ont été exclus aussi parce que, bon, à l'immigration, la controverse est persistante autour de la consultation sur la discrimination systémique. Le racisme a eu raison de Caitlin Will, qui a été remplacée par David Hurtel. Donc, on est juste parti. C'est la fin pour Caitlin Will. Madame Will... On va essayer de reprendre le relais de Rita DeSantis à l'accès à l'information et à la réforme des institutions démocratiques. Donc oui, elle est exclue de son ministre du côté de l'immigration, mais on a essayé de la replacer ailleurs. dans quelque chose qui est complètement différent, ouais. Surtout pour peut-être essayer de ne pas faire parler de soi comme on a fait parler de soi dans les derniers moments. Donc, en prime, on hérite du nouveau secrétariat aux anglophones. C'est complètement différent. Mais Mme DeSantis est exclue du Conseil des ministres et elle redevient simplement députée. OK. Donc, il y a plus... personne qui devient citoyen, genre, monsieur, madame, tout le monde. Exactement. Il y a Isabelle Melançon qui accède au Conseil des ministres. Elle est devenue responsable du développement durable et de l'environnement, tandis que Marie Montpetit va être la nouvelle ministre de la Culture. Je pense que ça va être les deux personnes dont on va entendre parler beaucoup dans les prochains mois, parce que, bon, on le sait, développement durable, environnement, ça fait beaucoup parler. C'est sûr que, oui, il y a l'immigration aussi qui fait parler dans les derniers temps, mais je pense qu'on se penche quand même sur la question de l'environnement beaucoup, au Québec, au Canada. Donc, de ce côté-là, Isabelle Melançon va quand même faire parler d'elle dans les prochains mois. Marie Montpetit aussi, du côté de la culture, on le sait, là, avec Netflix et tout ça, là, oui. Ça va faire jaser pas mal. Donc, ça reste à voir. Ça s'est fait hier. On n'a pas encore de résultats, mais c'est sûr qu'il va y avoir des résultats qui vont être demandés dans tout ça. On s'attend à ce que les gens aussi critiquent, évidemment, le nouveau remaniement libéral, mais c'est peut-être pas une mauvaise chose non plus. Il aurait critiqué s'il avait laissé les gens au même poste pendant trop longtemps. Exactement. Bien, écoutez, j'ai écouté peut-être 10 minutes du Facebook Live du remaniement ministériel hier, et déjà à la base, les commentaires étaient, bon, il était temps, premièrement. Deuxièmement, oh non, pas encore elle. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça n'a pas de bon sens, blablabla. Donc, c'est sûr qu'il y a tout le temps des gens qui sont contents, il y a tout le temps des gens qui sont pas contents. Mais un remaniement ministériel qui n'a pas changé depuis 2014, on est maintenant 2017, c'est peut-être une bonne chose. Les choses changent, on le sait. Change ce qui marche pas. Ça avance vite et parfois, ben, on n'a pas le choix de faire du changement, de bouger les choses à l'intérieur pour que ça puisse mieux fonctionner. C'est ça qu'on veut. S'améliorer. C'est exactement ce qu'ils ont voulu faire et c'est chose qu'ils ont fait. On va voir comment ça se passe à partir de là. C'est sûr. Voilà. Merci, Tania. Bon, fait plaisir. Une autre chronique de Tania is gonna entertain you tous les matins. Et on fait le tour de l'actualité souvent les jeudis. Donc, ceux qui veulent synchroniser la chronique du jeudi pour savoir ce qui se passe, hein? Oh, que oui. Vous pouvez le faire. Merci, Tania. Fait plaisir. Alors, on prend une pause. Au retour, d'autres chroniques d'Ensemblage Requis. Et plus tard, une grosse pointe à l'adresse. Ouh là là. Aujourd'hui. C'est fou! 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. C'est Mère d'Assemblage Requis en ce jeudi 12 octobre 2017. Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Plus tard à l'émission, une grosse pointe d'adresse. On va manger ou boire quelque chose que j'ai dans mon tiroir depuis quelques semaines. Ouh là là, j'ai hâte. On a très hâte. On est excité pour une grosse pointe d'adresse chaque semaine. Mais avant ça, un petit peu de musique. Allons-y. Allons entendre une pièce de Pony. Oh, tu parles du Phoenix. Oui, le petit Pony. Le petit Pony. Assemblage Requis. 89 FM. C'est fou. Yeah. phénix. The pony. Le petit pony. Le petit pony. J'ai pas le choix de dire ça. On souhaite un joyeux retour à la dame qui s'occupe, de l'horticulture. Oui, sur le terrain de l'UQTR. On le sait, elle nous écoute pas, probablement qu'elle nous écoute jamais. Faudrait qu'on ait un haut-parleur dehors, juste là. J'aimerais vraiment ça, parce qu'en fait, on la voit à chaque matin. Oui, depuis le début de la saison. Exactement. Elle est sortie sa tanière. C'est ça. C'est sa période. On la voit rarement, mais quand on la voit, on est donc content de la voir. Lynn. Ah, c'est ça? Ben, c'est marqué sur sa porte, en tout cas. Tu sais, la porte qui mène vers la cave, là. Celle qui a, ouais, celle qui a l'air d'une plantation. Exact. Ben, c'est... Ouais, oui, c'est ça. Lynn. Maintenant, continuons la chronique qu'on a commencée en début d'émission sur les déjeuners dans son foutu palmarès, mais sans l'intro. Hein? Mm-hmm. Son foutu palmarès, où on a établi une liste sur un sujet plus ou moins précis. Tantôt, en début d'émission, on a parlé de chocolat chaud et de gaufres égaux. Continuons avec les Pop-Tarts. Ouh! Les Pop-Tarts, un déjeuner chaud, utilisé depuis plus de 5 décennies, mais des fois, on les mange froides, et même mon conseil préféré que j'ai entendu à travers l'histoire et que j'ai mis en pratique, c'est de les manger au congélateur avant. Tu les mets au congélateur et tu les manges après congelés, ben, ça congèle pas vraiment, ça reste très mou quand même. C'est super bon. Pour commencer, c'est l'entreprise d'un compétiteur et sa gaffe qui a rendu possible les Pop-Tarts. Donc les Kellogg's Pop-Tarts, icônes des déjeuners, mais leur rival Post en fait eu l'idée de faire ces petites pâtisseries à déjeuner, pâtisseries à grille-pain. En 1963, Post a annoncé une ligne de pâtisseries qui pouvait être gardée sur la tablette nommée les Country Squares. Qu'on pouvait réchauffer au grille-pain. L'idée était bien sûr prometteuse, mais Post avait fait une erreur critique dans son annonce. Country Squares était à plusieurs mois de lancement. Ils l'ont annoncé beaucoup trop à l'avance. Donc, c'est ça. C'est que Post donnait la compétition à Kellogg's de sortir les Country Squares sous leur propre nom avant. On s'est dépêché à faire ces pâtisseries-là pour les amener en magasin avant que les Country Squares sortent. Et ça a fait un énorme succès. Il n'y en a plus de Country Squares. Mais non. Kellogg's a amené un expert pour perfectionner le produit. Si Kellogg's voulait battre donc son rival dans les pâtisseries à déjeuner, on avait besoin d'aide un petit peu à la pâtisserie. Donc, naturellement, la compagnie a parlé à Keebler. On connaît Keebler pour les bartends, un paquet de produits de biscuits. Les biscuits soda de la cafétéria, c'est des Keebler. Mm-hmm. En septembre 1963, Bill Post, le gérant de Keebler à Grand Rapids en Michigan, donc leur usine là, a commencé à travailler sur ce qui allait devenir les Pop-Tarts plus tard. Post, qui est le fils d'immigrants hollandais, travaillait chez Keebler depuis son 16e anniversaire, donc vraiment depuis l'âge de 16 ans. Donc si quelqu'un connaissait les pâtisseries, c'était bien Monsieur Post. D'ailleurs, les enfants de Bill Post ont joué un rôle dans le goût des Pop-Tarts. Avant que les Pop-Tarts soient des Pop-Tarts, c'était juste des échantillons de produits que Post amenait à ses enfants. Il a raconté au Northern Express en 2003 que Post avait réalisé que ces petites pâtisseries-là pourraient décoller quand il les a amenées à la maison. Il amenait donc des échantillons, et puis les enfants, il y en a qui aimaient pas, des modèles qui aimaient pas, donc c'est ceux-là qui n'ont pas été amenés sur le marché, si on veut. C'est ça, ça s'appelait des Fruit Scones au départ. Ensuite, Cleveland a eu le premier goût des Pop-Tarts. C'est eux qui sont devenus accros en premier, donc après que les enfants de Post aient réussi à le convaincre que les Pop-Tarts étaient prêtes pour les magasins, Kellogg's a testé les pâtisseries dans le marché de Cleveland à la fin de 1963. Ça a été un succès instantané et 4 saveurs de Pop-Tarts, donc fraise, bleuet, cassonade et cannelle et, pomme et cassis. Sorti nationalement en 1964. Post s'est souvenu en 2003 que le succès du test à Cleveland a convaincu Kellogg's d'augmenter la première production nationale de 10 000 boîtes à 45 000 boîtes de pâtisserie. Et tout ça a été vendu assez facilement. Elle vient en paire pour une raison. Dans son livre Better Than Homemade, Amazing Foods That Changed the Way We Eat, Carolyn Wyman résout ce mystère de Pop-Tarts. Si la portion de Pop-Tarts est de seulement une pâtisserie dans les, sur le côté, dans les trucs de nutrition, pourquoi est-ce que ça vient toujours en paire? Bill Post a révélé que cette décision a plus rapport avec l'économie que le contrôle des portions. La machine dont on a besoin pour envelopper les Pop-Tarts dans son aluminium, son papier foil, n'était pas peu cher. Et lorsque les pâtisseries étaient toujours pas prouvées, donc n'étaient pas encore un succès commercial, Kellogg's ne voulait pas faire d'investissements pas nécessaires. Donc en doublant le nombre de tartelettes dans chaque emballage, la compagnie pouvait couper les coûts de machinerie en deux. Et quand les Pop-Tarts sont devenus un succès, ben, les gens étaient habitués d'en avoir deux par emballage. Donc maintenant, c'est tout le temps ça, deux par emballage. On pourrait changer, mais ça reste comme ça. Ensuite, les premières Pop-Tarts étaient subtilement différentes des Pop-Tarts d'aujourd'hui, dit-on. Les fans des Pop-Tarts glacés aujourd'hui, frosted, comme on l'appelle, avec la petite couverture. Le petit glaçage sucré. Donc, aurait pu être trouvé ça très différent en 1964. Donc, la Pop-Tart, à l'origine, avait les coins ronds à la place des coins carrés qu'on est habitué d'avoir aujourd'hui, les coins à angle droit. C'était marqué, en fait, d'une longue ligne diagonale pour faciliter la séparation en deux. Ah, ouais? Et il n'y avait pas de glaçage. Moi, la séparation en deux, je trouve ça vraiment cool. J'aimerais ça qu'ils ramènent ça. La séparation en deux? Ouais. Je me souviens pas de ça. Comme une toast ou un sandwich beurre de pin confiture, tu coupes ça en deux, en triangle. C'est une bonne idée, je trouve. Bref, finalement, il n'y avait pas de glaçage, comme je l'ai dit, et on a enlevé la séparation plus tard parce que c'était plus difficile de voir le remplissage à l'intérieur de chaque moitié de Pop-Tart. Donc, tu comprends, la séparation, c'est de la pâte, alors qu'aujourd'hui, quand tu la casses en deux à la main, tu vois la garniture à l'intérieur. C'est juste pour ça. Une nouvelle de Adweek a révélé que la façon que les... Oui, que les trous, il y a des trous dans les Pop-Tarts, tu as remarqué? Oui, oui, maintenant, ben oui. Bon, la raison, c'est que si tu les faisais cuire sans ces trous-là, la pâtisserie serait plus... Exploserait, non? Non, elle serait, détrempée un peu, molle, parce que ça sort du congélateur, j'imagine que ça a un lien avec ça. Ensuite, les boss de Kellogg's étaient sceptiques par rapport aux Pop-Tarts glacés. Hein, après l'introduction au niveau national triomphante des Pop-Tarts en 1964 par M. Bill Post, on a commencé à traiter ça comme quelque chose d'important au déjeuner en ajoutant le glaçage en 1967. Le premier prototype de la version glacée était résultat en fait d'une machine normale. Non, c'était d'envoyer une Pop-Tart normale dans la machine utilisée pour faire le glaçage de biscuits. Ah, ok, oui. Lorsque le patron de Post se disait que ce glaçage-là pourrait pas supporter la chaleur du grille-pain sans fondre, Post est entré dans une réunion avec un grille-pain pour montrer la durabilité de ce sucre-là. Les exécutifs, les boss chez Kellogg's, lui ont donné le go pour commencer à mettre du glaçage sur toute la ligne de Pop-Tarts en quelques minutes après la réunion. Donc les gens étaient sceptiques en pensant que ça allait fondre, mais c'est du glaçage qui est à l'épreuve de la chaleur pas mal. Les Pop-Tarts sans glaçage ont en fait plus de calories que les... Pop-Tarts glacées. Ah ouais, et elles sont vraiment laides en passant. C'est pas le plus beau modèle, en effet, avec le petit imprimé de je sais pas trop quel personnage. Je sais vraiment pas, là. En tout cas, il fait peur. On dirait Mark Cheap, on dirait, mais c'est pas les Pop-Tarts. Bref, Spencer Gaffney, qui étudie à Princeton, donc a démarré une année de confusion et de curiosité en 2009 quand il a sorti un fait assez étrange. Donc, comme je viens de le mentionner, que les Pop-Tarts aux fraises glacées contiennent 200 calories chaque, alors que la version sans glaçage a seulement 210 calories, en fait 10 calories de plus que la version glacée. Pourquoi? Eh bien, Quartz a pu résoudre le mystère, c'est que la croûte de la version non glacée est un petit peu plus épaisse que sur la version glacée, ce qui donc augmente le nombre de calories. La croûte est plus épaisse. Je savais pas. Eh ben. En plus, ça peut. Ensuite, oui, ça peut générer des flammes terrifiantes. Depuis le début des années 90, les Pop-Tarts ont été blâmés pour plusieurs feux dans des maisons. Ben, okay. Ouais, le Philadelphia Inquirer a dit en 2001 que les pâtisseries avaient été impliquées dans au moins 17 feux dans les maisons. Et on a expliqué que la chaleur du grille-pain peut faire déclencher le feu dans le sirop de maïs dans le remplissage de la Pop-Tart, ce qui peut faire ensuite que la croûte va prendre en feu. Ça a un lien avec l'étude de 1994 où on disait que les pâtisseries qui n'étaient pas éjectées du grille-pain à temps pouvaient tirer des flammes de 20 pouces de hauteur. C'est pas quelque chose de commun, mais ça montre quand même pourquoi Kellogg's avertit les gens. Apparemment, j'avais pas remarqué, mais on l'avertit sur la boîte de pas les griller trop longtemps. Eh ben... Non, jamais. Quand tu faisais griller tes Pop-Tarts, là, quand tu étais jeune, faisais-tu griller, en fait? Oui. Et il y en avait tout le temps un bout qui était noir parce qu'il était en train de calciner. Ça, c'est vrai, mais j'ai jamais vu de flamme sortir de là. Moi, oui, une fois, ouais. Pour vrai? Ouais, mon père était venu débrancher le grille-pain quand j'étais jeune. Ça a marché? Oui, tout à fait. On peut acheter ou fabriquer sa propre version des Pop-Tarts. Tu sais, il y a des recettes un petit peu partout sur Internet, des versions artisanales des Pop-Tarts. Depuis 2012, il y a une compagnie à Brooklyn qui s'appelle Magpies, qui fabrique des versions gourmets de ses pâtisseries pour grille-pain. Pour les gens qui ont le petit doigt en l'air, là, la compagnie offre donc des versions faites maison de saveurs familières comme fraises, bleuets, cannelle, cassonade et de nouveaux combos comme pommes et caramel salé. OK. Miam, on peut les commander en ligne, bien sûr, aux États-Unis. Et sinon, vous pouvez prendre la recette sur epicurious.com pour la faire à votre, dans votre propre maison. Et beaucoup plus de garniture, comme tu peux voir sur la photo, c'est... ça, c'est de la garniture, t'sais. Sur les boires de Pop-Tarts, c'est l'impression qu'il y en a plus qu'il y en a vraiment, t'sais. Clairement. Mais bon. Continuons dans le domaine des déjeuners, hein, parce que je veux écouler mon stock de trucs à déjeuner dans son foutu palmarès aujourd'hui. Des choses qu'on ne sait pas sur les crêpes. Hein? Les crêpes. Oui. C'est les Romains qui ont inventé le prototype de la pancake, de la crêpe au départ. Certains suggèrent que Otzi the Iceman mangeait donc du blé aplati. Plusieurs historiens disent que la première fois qu'on a vu quelque chose qui ressemblait à une crêpe, ça s'appelait Alita Dolcia, ce qui veut dire une autre chose sucrée en latin. Fabriqué par les Romains au 1er siècle, à partir de lait, de farine, d'œufs et d'épices, c'était vendu au coin de la rue, donc dans les squares, les marchés ambulants. La première version de stand de crêpes moderne, c'est un peu ce qu'on a vécu à l'époque. Et au lieu de mettre du sirop par-dessus, on utilisait du miel pour rendre ça plus sucré. Miam, miam, miam. Certains disent pancake, certains disent pannenkoek. Au 15e siècle, plusieurs pays européens avaient leur propre type de pancakes, de crêpes, qui utilisaient plusieurs ingrédients différents, par exemple du blé. Des fois, on utilisait de l'alcool, du vin, de l'ale, donc de la bière, des herbes, des épices, des clous de girofle, oui, de la cannelle, de la noix de muscade. Au 18e siècle, Friesland, une province des Pays-Bas. On dit que le déjeuner traditionnel lors d'un mariage était le pancake avec du miel et du lait. Ah, OK. Ouais, des pancakes de différentes façons partout dans le monde, qu'elles soient minces, super minces, qu'elles soient super beurrées comme la crêpe française, qu'elles soient croustillantes comme l'okonomiyaki, l'okonomiyaki japonaise, une prononciation douteuse. la journée des crêpes, c'est plus que seulement de se prendre une petite crêpe pour déjeuner chez McDonald's. Ah oui? Ils servent des crêpes, hein, tu sais, chez McDonald's. Oui, oui, je sais. Au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie, le Pancake Day, qu'on appelle aussi Pancake Tuesday, célébré donc un mardi, évidemment. C'est le dernier avant je m'excuse, celui-là, le Lent, je me rappelle jamais c'est quoi en français. Je vais le chercher, je vous reviens. Lent qui était... Je ne pourrais te dire. Oh, ben quand même, je l'ai... Est-ce que je l'ai, le mot? C'est difficile parce que t'as l'impression que c'est lent. Hein? Ouais. Ouais. C'est tout ce que je trouve, en fait, le lent. Je l'ai pas. Bref, c'est une fête là, qu'on célèbre. Donc, c'est les chrétiens qui célèbrent ça. C'est 40 jours d'abstinence là, avant Pâques. Là. En tout cas. Traditionnellement, la coutume était de vider tout ce qu'il y avait de sucré, de gras, tous les œufs pour éviter la tentation, réduire les déchets aussi pendant cette période-là dont le nom m'échappe, mais que tout le monde à la maison sait et me le crie en ce moment. Ces ingrédients-là étaient utilisés en faisant donc des pâtisseries, en consommant ça, en faisant des crêpes avant que ce jeûne-là arrive. J'aurais aimé que le mot me revienne pendant que j'en parlais, mais bon. Les courses de crêpes existent depuis des siècles. Des courses de crêpes? Des courses de crêpes. Pancake Race, ça a débuté à Olney, en Angleterre, en 1445. La légende dit que ça a été inspiré par une femme à la maison qui arrivait à l'église lors de ce célèbre mardi dont je venais de parler tout à l'heure, le Pancake Tuesday. Elle avait toujours son poêlon à la main et la crêpe. Depuis 1950, la course est devenue un événement international. On compétitionne contre plein de femmes de Liberal au Kansas. Donc, les femmes de Olney en Angleterre compétitionnent contre Liberal au Kansas. Malheureusement, cette année, la portion Olney a eu un problème technique, voulant dire qu'on n'a pas réussi à enregistrer le temps pour le gagnant. Donc, ça a fait qu'un affrontement avec Liberal était impossible. Les femmes de Liberal mènent présentement 37 victoires contre 29 pour Olney. Ensuite, les crêpes n'ont pas toujours été à la mode. En 1935, Vogue disait à ses lecteurs que les pancakes étaient franchement difficiles et ne valaient pas la peine d'être mangés du tout, à moins qu'elles soient complètement minces. De nos jours, on a changé un petit peu l'opinion. On offre une recette chez Vogue de crêpes à banane chocolat sans gluten en ligne. Donc, ils ont changé d'avis avec le temps. Aunt Jemima était la première dame du mélange à crêpes. On connaît tous Aunt Jemima pour le sirop dégueulasse. Dégueulasse. J'ai acheté une fois du sirop Aunt Jemima, c'est de l'huile à moteur. C'est dégueulasse. Ah. Bref, le premier mélange à crêpes a été fabriqué par Archie Davis Milling Company, qui a engagé un cuisinier, un raconteur et un missionnaire, une missionnaire Nancy Green comme porte-parole pour leur mélange Aunt Jemima en 1890. Green est né à Montgomery County, dans le Kentucky. C'est elle qui jouait le personnage de Aunt Jemima jusqu'à sa mort le 23 septembre 1923. En 1937, la compagnie Quaker Oats Company a enregistré la marque de commerce Aunt Jemima. Un homme a plusieurs records de crêpes avec Guinness. Faire flipper des crêpes en courant un marathon. Okay. C'est le record de Dominic Mike Kusakria qui a complété un marathon en 1999 à Niagara Falls en 3 heures 2 minutes 27 secondes tout en affrontant le vent bien sûr des chutes Niagara. Et bien sûr, il avait un équipement spécialisé pour faire flipper sa crêpe une fois par 1,8 secondes pour la durée de la course. Il y a une technique spéciale, a-t-il dit en se rappelant de ce concours. Donc il dit que quand tu fabriques des crêpes pour un marathon, il faut qu'elles soient enveloppées dans du Saran Wrap, de l'emballage de pellicule plastique, parce que ça doit passer entre 5, ça doit être flippé entre 5000 et 6000 fois sur 26,2 miles et on considère les éléments comme le vent et la pluie en plus, donc c'est pour ça qu'on les emballe dans du papier Saran. C'était pas sa première fois avec ce record-là et c'est pas non plus son seul record avec des crêpes. Il a aussi le record pour le plus haut lancé d'une crêpe, 31 pieds de distance et 1 pouce. Et... c'est en 2010 qu'il a fait ça, 31 pieds et 1 pouce dans les airs. C'est énorme! Tout qu'un flip! Les pancakes sont plates, mais plusieurs États américains sont plus plats encore. C'est une étude des annales des recherches improbables, Annals of Improbable Research, ont utilisé une équation polynomiale pour comprendre que le Kansas est plus plate qu'une crêpe. Mais il y a 6 États qui sont plus plates encore, la Floride, l'Illinois, le Dakota du Nord, la Louisiane, le Minnesota et le Delaware. On dit que selon l'American Heritage Dictionary of Idioms, la phrase « aussi plat qu'une pancake, aussi plat qu'une crêpe, ouais. flat as a pancake » est utilisée depuis les années 1500 pour décrire des femmes sans poitrine ou sinon les régions australiennes. Ensuite, la plus grande crêpe au monde pesait plus que l'hippopotame moyen. Non! Plus de 49 pieds de diamètre, 6614 livres, ah, c'est oui. Différent. Ouais, c'est pas la même chose du tout. Bref, la plus grande crêpe du monde a été fabriquée à Manchester, au Royaume-Uni, en 1994 par The Cooperative Union Limited. Et oui, pour se qualifier pour ce record-là, la crêpe devait être flippée et devait être mangeable. Ils ont réussi à faire ça avec une crêpe de 49 pieds de diamètre. Et finalement, la crêpe la plus chère au monde coûte plus qu'un vol transatlantique. T'es sérieux? Ouais, c'est le Radisson Blue Edwardian Hotel au restaurant Opus One à Manchester, au Royaume-Uni. Encore une fois, Manchester a une obsession avec les crêpes. Ouais, vraiment? Ils ont leur place sur la map culinaire parce qu'ils ont la crêpe la plus chère au monde. Créée en 2014, vous devriez payer 980$ à US. Oulala! Ouais, mais au moins ça inclut du homard, du caviar et du champagne, dont pas rien. Ah, d'accord. D'accord, ok, pour 980$. Dit-elle en baillant son, ouais, son accord. Voilà pour peut-être ce très ennuyant palmarès de faits sur les crêpes. Les liens vers les crêpes, les Pop-Tarts, les Gaufrigo et le chocolat chaud qu'on a fait plus tôt en émission sont sur assemblagerequis.com. On se prend une pause et au retour, on va goûter à un produit là, délicieux. Oh, j'ai hâte. Dans une grosse pointe adresse. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage Rocky, oh, ce jeudi matin 12 octobre. On était plus sûrs. Oui, non, on était vraiment pas sûrs. On était pressés dans le temps aujourd'hui. Petit pub qui passe vraiment vite pendant que j'allais chercher mon produit pour une grosse pointe d'adresse. Je l'ai même pas vu en passant. Hein? Non, ben je l'ai caché aussi. Hein. Est-ce que tu t'en es souvenu? Non, en fait, c'était pas celui que j'avais retenu. En fait, je te dirai, je te mettrai en contexte tantôt, OK? D'accord, c'est bon, parfait. Pose-moi la question tantôt, je vais te répondre, ça va avoir plus de sens tantôt. Pour l'instant, on écoute Ben Sinister avec Move a Little Slower. Mmh. Sur C'est fou. 89 ans. FM. FM. Ah là là. Le lecteur était lent. Ouais. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, je pense. Ah, oh, c'est Styx. Oui, c'est Elton John et Styx en featuring. C'est Elton John et Styx. Mais je l'aime bien quand même. Moi aussi. I spend my days without you standing by my side. And I wonder when my feelings won't give up and hide. You got up in these fast times and I feel it where is your plan? Does it make me less a man? What's left? Tellement! C'est pas vrai! Ah. C'était Ben Sinister avec Move a Little Slower. Je pense que c'est ma préférée du top 40. Je pense même l'avoir déjà dit. J'adore. Oui, oui, on adore ça. C'est merveilleux. Sauf le début. Oui. On dirait qu'avant que ça avance, on trouve vraiment que ça ressemble à Queen et Elton John. Et Elton John. Et Styx mélangés ensemble, je pense. C'est fou. C'est leurs inspirations. Ouais, c'est ça. Bref, ça nous inspire tout ça. Ça nous inspire à manger. Ah, c'est clairement. Le gars de Queen, je pense qu'il mangeait surtout sa moustache, je pense. Il y avait beaucoup de miettes dedans. Ouais. C'est une grosse pointe en dresse. Une grosse pointe tendresse, c'est la chronique où on goûte à un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit que j'ai laissé dans mon tiroir après l'avoir acheté en épicerie, en pharmacie, en dépanneur, peu importe. Et aujourd'hui, Tania,

Tu sais, je mettrais mon pouce encore plus qu'en l'air sur la lèvre. Écoute, c'est sûr que c'est sucré, là. C'est, oui. C'est du beurre de peanut avec du chocolat puis des pretzels. Des pretzels. Mais je dois mettre mon point, mon pouce en l'air. Notre système de cotes, c'est pouce en l'air pour sur le côté ou pouce sur le bas. Mais pour vrai, c'est un pouce en l'air. Écoute, extrême. Je serais même prête à mettre deux pouces en l'air. Moi aussi. Tellement, il y a un bel équilibre, là. Puis le croustillant, il est croustillant. Il est pas genre... Mais tout est parfaitement là. Le bretzel est parfait, le chocolat est parfait et le beurre d'arachide est parfait. C'est équilibré. Je te le dis, là, ça m'a réveillé en une seule bouchée. Puis quand tu y penses, si 8 morceaux, c'est 200 calories, 2 morceaux, c'est juste, tu sais, moins de calories. Tout à fait. Donc, pouce en l'air à l'extrême. Exactement. Et moi, je me sens mal pour les personnes qui ne pouvaient pas être présentes avec nous en studio pour faire cette chronique-là. Oui, je suis vraiment triste. Triste que personne ne soit venu goûter à ces OMG. Il y en reste juste plus pour nous, hein. Bye. Que voulez-vous, hein? On va avoir moins de calories que. C'est ça. Que plus, que moins, hein. Que quoi? Hein, je sais pas, je m'écoutais pas. Boucher de bretzel au beurre d'arachide par la marque OMG's. Allez voir leur site web pour plus d'informations, omgs.ca. Eux qui ne commanditent pas cette chronique, mais Colin, qu'on serait bien, ça serait bienvenu. Ça serait merveilleux. Tu sais, là, pour nos invités, on aurait une petite table, qu'est-ce que je raconte? Un petit plateau dans le milieu de la table avec des pâtisseries et des OMG's. Là. Tout à fait. Ça serait tellement beau comme à TV. Je suis d'accord. Voilà. Tout à l'heure, on va se lancer une ribambelle de nouvelles de fast-food. Oui. Mais pour l'instant, on a un retard sur nos publicités. Exactement, donc ça va faire ça. On vient tout de suite, restez là. Aujourd'hui. Vous êtes toujours dans l'assemblage Ricky, accompagné de Mathieu Blonde. Et de Tania Baudin. Ok, oui, c'est tellement bon cette chose. Hey, ça a pas d'allure. Tania en a pris un juste avant de revenir. J'ai dit, attention, tu vas revenir de la pause, là. C'est le plus gros morceau de pretzel, beurre, peanut et chocolat que j'ai jamais vu de ma vie. Mais on n'en revient pas, pour vrai, là. Et c'est triste parce que Stéphanie Paradis, qui habituellement ferait patate de sofa, en ce moment, ben, à 9h, il y a une demi-heure, mettons, a manqué le meilleur produit qu'on a jamais goûté. Ah, mon Dieu. C'est triste pour elle. Elle est malade. On va y en garder un. pour dans 2 semaines, en fait. Oui, c'est vrai. Non, il en restera pas. Non. Je peux t'annoncer tout de suite qu'on va finir c'est le sac. C'est sûr que non, si David la fin de la journée. Ferrand travaille dans le bureau. C'est vrai. Hey, je sais pas s'il vient aujourd'hui ou genre à quelle heure qu'il arrive, mais il faut qu'on finisse ça le plus vite possible. Il va en prendre 15. Non, mais c'est vraiment parfaitement bon. C'est tellement bon. On peut-tu en venir? Attendez, m'a croustillé les oreilles. Ah! C'est parfait. On écoute Gogol Bordello. Les Sabotry Blues à Assemblage Ricky. thought that far he was. Salvatore Blues par Gogol Bordello. Hein? Papa? Qui papa? Quoi? OK. Qui passe? Exactement. Donc, toujours Assemblage Requis. Nous reste une vingtaine de minutes ensemble. Et c'est juste assez temps pour se faire un petit blitz de nouvelles de fast-food dans une grosse pointe d'adresse. Mm-hmm. Bloc nouvelle de fast-food d'une grosse pointe tendresse et on commence avec du café avec infusion de vin à l'intérieur, l'hybride de nos rêves, nous dit popsugar.com et j'ai tendance à être d'accord avec eux pas mal. Hein? Oui. Il y a des matins difficiles où tu te demandes là, est-ce que je devrais prendre un peu de café ou est-ce que je devrais prendre du vin? Oui. Donc, c'est du café au vin de la compagnie Napa Valley. Oui, oui, c'est le meilleur des deux mondes, sans être jugé. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le Molinari Private Reserve qui fabrique donc du café infusé au vin. 20 $ pour un livre d'une demi-livre, bien sûr en dollars américains. Il laisse les grains de café dans un bain de vin rouge pour faire absorber les saveurs. Ensuite, les grains sont séchés et torréfiés à la main en petits ensembles, en petites batches. Et ensuite, on les met en emballage pour les vendre. Et à partir de là, tu fais ton café comme tu ferais avec n'importe quel café. Non. Tu peux le prendre noir, froid, en latté, en espresso, comme frotti-frotta sur de la viande. C'est sans alcool, mais l'essence du vin, apparemment, est quand même là. OK, bye! Je m'en vais m'acheter ça, là! Ça a pris 2 ans pour le développer. C'est le premier de son genre. Molinari n'est pas un vignoble en tant que tel. Ça utilise un vin rouge maison créé exclusivement pour Molinari par les vignobles de Napa Valley. Bref, les détails sont dans l'article sur assemblagerequis.com. C'est disponible sur leur site en ligne qui est molinariprivatereserve.com. Ensuite de ça... chez Trader Joe's, on a des vins en canne. Des vins en canne. Est-ce que moi, j'avais jamais vu ça? J'ai déjà vu ça à la SAQ, mais des petites canettes, là. OK, ben ça, c'est des canettes un petit peu plus comme de l'eau Perrier, là, ouais, je dirais. Oui, exact. Plus haute que large. Bref, c'est chez Trader Joe's aux États-Unis. Ça s'appelle Simpler Wine. C'est du vino frizzante, donc du vin pétillant importé d'Italie. Ça vient d'ensemble de 4 pour 4 $. C'est vraiment, vraiment pas cher. Non, je sais. Canette. Bref, selon leur site web, des notes de melon miel juteux et d'herbes fraîchement coupées. On devrait manger, boire ça avec du pain frais et des olives ou du parmigiano reggiano. OK, bye! Oh, j'avais oublié de dire que c'est un spécial octobre aujourd'hui. Oui, c'est ça, merci beaucoup. Tu n'avais pas dit hein, que c'est un spécial octobre? Non, c'est ça. Mais c'est donc chez Trader Joe's aux États-Unis. On continue, oui, dans un spécial octobre. Aldi qui sort un calendrier de l'Avent au vin. J'ai vu ça. Bien, et je tiens à dire. C'est parfait, hein? Oui. C'est vraiment méchant. Pour l'octobre, c'est pas. Ben, au moins, l'avant, c'est en décembre. Oui, c'est vrai, t'as bien raison. Achète-le maintenant et. T'imagines combien ça coûte? Est-ce que c'est des bouteilles complètes? Non, c'est des petits échantillons. C'est le Sun qui dit donc que ce chef-d'œuvre est rempli de 24 mini-bouteilles de vin rouge, vin blanc, des rosés, des bulles. Et tout ça pour faire l'équivalent au total de 6 bouteilles complètes. Donc, c'est vraiment énorme. Ça se vend pour environ 67 $ US. C'est 50 livres sterling. Ça a l'air cher, bien sûr, mais c'est beaucoup d'alcool, 6 bouteilles, quand même. Oui, vraiment. Il y a une seule attrape, c'est que c'est seulement vendu au Royaume-Uni, non! Selon The Sun. Que voulez-vous? C'est donc bien triste. C'est comme ça. Ensuite, on va chez Walmart, étrangement, parce qu'aux États-Unis, tu savais que Walmart et Costco même vendent de l'alcool. Oui, mais pas ici. Pas ici, mais seulement aux États-Unis. Donc, du vin cheap chez Walmart qui est coté comme un des meilleurs au monde. Ah ouais? C'est vrai, donc c'est une bouteille à 7 US vendue chez Walmart. Un Malbec. Un Malbec, ça a été coté par Decanter Magazine qui couvre les vins et les spiritueux. Donc le vin rouge La Moneda Reservas Malbec, un vin chilien dont la description est couleur mauve foncé avec teinte avec quelques petites nuances de violet. Ça dit rond en bouche, velouté, complexe aux notes de figue. Oh, d'accord. Et de, c'est quoi? Fraise. Oui, fraise, mais c'est quoi le petit... le pruneau. Oui, c'est aussi. C'est ça, plum, il me semble, c'est pruneau. Oui. Bref, excellente longueur. Je connais absolument rien au vin, ça paraît. Okay. Donc, le vin a mérité le titre de Platinum Best in Show, donc meilleur platine au Decanter World Wine Awards. Plus de 200 experts ont goûté à ces vins-là à l'aveugle en passant. Oh! Donc, ça prouve que l'étiquette de prix de ce vin-là n'est pas toujours associée, en fait, en général, avec la qualité du vin. Et donc, c'est disponible dans les Walmart aux États-Unis, si jamais vous allez en voyage là-bas. C'est disponible dans plus de 500 Walmart aux États-Unis jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, bien sûr. Wow. Ensuite, il y a une raison, on revient au calendrier de l'Avent. Oui. Bravo pour le classage. Il y a une raison pour laquelle ce calendrier de l'Avent s'est vendu très rapidement l'an dernier, c'est les 12 Nights of Wine. Oh boy! Ouais, donc Vinebuff, tu connais peut-être le service par abonnement de vin qui se présente à ta porte. La non. compagnie ramène... Non, ben ça existe. Je ne connaissais pas. Aux États-Unis. donc la compagnie ramène ses 12 Nights of Wine, un calendrier 2017, qui est donc un peu le même principe que celui de tantôt. C'est même pas mal exactement la même chose. Sauf que t'en as juste 12. T'en as juste 12, oui, c'est exactement puis, ça. Je pense que ça fait seulement une coupe, tu sais, c'est bien, là. Oui, et ça coûte plus cher que l'autre, hein, 129 US ah, ouais. dans une boîte spéciale. C'était très populaire en 2016 et on offre maintenant ça en précommande en ce moment depuis le 1er octobre, évidemment, aux États-Unis. Ensuite, de la crème glacée au vin. Oui, j'ai vu ça. Coudon, t'as tout vu, toi? Ben... T'es un petit peu obsédé par l'alcool des fois, on va se le dire. Là. Mais non, mais j'aime. Tu suis beaucoup de pages. J'aime sur Facebook. Beaucoup le vin. Oui. Donc, automatiquement, j'ai des amateurs de vin aussi dans mon Facebook qui partagent des choses. C'est normal, tu vois un petit peu tout ça. Là. Donc, chez Mercer's, une crèmerie, si on veut, à New York, qui a perfectionné l'art de la crème glacée alcoolisée en offrant une variété de saveurs avec infusion de vin qui va au-delà du chardonnay. Donc, si vous voulez des notes fruitées, chocolatées ou directement de la crème glacée qui goûte le vin, il y a différents types de desserts alcoolisés. Pour voir les saveurs, chez mercersdairy.com. Pour votre prochain petit voyage aux États-Unis. Miam. Toujours en crème glacée. Wow, je l'ai quasiment classé à bonne place, là. C'est de la crème glacée à la vodka cette fois-ci. Oh boy! Donc, après une soirée à avoir bu de l'alcool léger, pourquoi pas continuer avec de l'alcool fort? Exactement. Donc, c'est le Arctic Buzz qui est fait pour être mangé à la fin de la soirée, en fait. OK. Après avoir essayé de combiner donc la vodka et la crème glacée, la compagnie, et donc, c'est ça, ben, fait de la crème glacée maison, brassée à la main. À la vodka, c'est un dessert congelé, un dessert ouais, gelé. Donc Arctic Buzz n'a pas simplement versé une bouteille de vodka dans de la crème glacée qui existait déjà. Non, la compagnie basée à Baltimore a créé des saveurs spécifiquement avec une distillerie locale pour s'assurer que le mélange dessert et vodka fonctionne bien ensemble. Mm-hmm. Donc ça va pas vous brûler la gorge, rien. C'est disponible en 6 saveurs, biscuits et crème, key lime pie, framboise, noix de coco, vanille et chocolat. Tout ça avec différents degrés d'alcool, entre 8,6 et 8,9% pour le contenant au complet de 100 ml. Et la noix de coco est la version qui a le plus d'alcool à l'intérieur, 8,9%. C'est vendu dans des magasins du Maryland, si ça vous intéresse de passer par là un jour. Ensuite, des guimauves avec infusion en alcool. Mais voyons, pour vrai? Faire de vos s'mores alcoolisés une réalité, vos rêves de s'mores alcoolisés. Oh mon Dieu, oh, ça doit oui. être bon. Naked Marshmallow Company qui fabrique donc ces cubes alcoolisés de délices en 3 saveurs. Elderflower and London Gin, Espresso Martini et Raspberry and Prosecco. Donc Prosecco et framboise, Martini, Espresso et London Gin et Elderflower. J'ai aucune idée quelle sorte de fleur ça peut être et ça me dérange pas ma main. L'important, c'est le gin. C'est bref, ce sont des hybrides fabriqués à la main en utilisant que des ingrédients naturels. Vous allez certainement pas attraper un buzz, nous dit-on, avec ces bouchées-là. Elles contiennent moins de 3% d'alcool chaque. Gin, liqueur de café et Prosecco. Mais quand même, imagine la saveur de ça. C'est... Ah, ça doit être très bon, là. Surtout si tu te fais un s'mores avec celui qui est espresso martini. Ah, wow! Wow! Quelle bonne idée. Naked Marshmallow Company. Toujours dans le segment de nouvelles du fast-food, édition octobre. À nouveau, ce point d'adresse. On y va avec des bagels Fireball Whiskey. Non! Ça existe, oui, des bagels au whisky. Pourquoi pas? The Bagel Nook à Freehold dans le New Jersey. Elle nous envoie donc une variété vraiment très Instagrammable de ce déjeuner parfait. Après avoir sorti les Flamin' Hot Cheetos et les Doritos Bagels, plutôt cette année, là, voici, les voici arrivés avec une nouvelle édition, le Fireball Bagel. Donc, c'est pas mal, en fait, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est des bagels qui sont trempés dans du Fireball Glaze, donc un glaçage Fireball fabriqué avec du whisky, et puis ensuite du sucre en poudre sur le dessus. Voilà. Hmm. Oh, et on ajoute un petit peu de fromage à la crème aux pommes pour aller dessus, pour faire un bon petit mélange. Miam, miam, miam, miam, miam. Ensuite, tiens, de l'alcool à mettre dans votre lait de poule pour les fêtes. Petite recette pour ça. Hein, l'eggnog, sucré, ouais, crémeux, très noix de muscade. Ça tombe sur le cœur après deux gorgées, je trouve, environ. Oui. Donc, on parle de eggnog, de spiked eggnogs, oui. Donc, pour ajouter de l'alcool, c'est le site popsugar.com qui nous conseille différentes recettes. Par exemple, d'ajouter du bourbon. Là, évidemment, il y a des paragraphes d'instructions et oui, de pourquoi ça, le faire. On passera pas toute la chronique à faire ça. Mais bourbon, cognac et whisky. Ce sont pas mal les trois conseils qu'on vous suggère. Hein, c'est bien ça? C'est bon ça. Ensuite, si vous voulez en fait payer très très cher votre champagne, sachez que Jay-Z a sorti son propre champagne. C'est vrai. Champagne, l'Armande Brignac blond de Norris assemblage tout. Ou sinon le A2. Ok. Hein? C'est du bullesque, hein, venant d'Armand de Brignac. Jay-Z l'a acheté en 2014. Ça va sortir. En fait, c'est peut-être déjà sorti. Oui, c'est sorti depuis le mois d'avril. Ça coûte 850$ US par bouteille. What? Ouais, il faut travailler environ, pour l'Américain moyen, 33 heures pour acheter une bouteille de blanc de Norris en ce moment. Les éditeurs de chez Pop Sugar ont goûté à un de leurs anciens champagnes, l'Armand de Brignac Gold, à 300$ en 2014. Et apparemment que la qualité va vraiment avec le prix. Ok. Quand même. Seulement 2333 bouteilles pouvaient être vendues, donc on peut s'imaginer que c'est peut-être déjà parti, quoi qu'à ce prix-là, peut-être pas aussi. Ouais, c'est ça. Vous pouvez acheter du A2 si vous passez par les États-Unis. C'est armanddebrignac.com. Voilà. On a goûté à des bretzels dans la précédente section de la chronique, la section goûter, là, si on veut. Ici, on a Snyder's of Hanover, évidemment, probablement les meilleurs bretzels qui sont en vente libre. C'est en vente libre. Pas besoin d'aller voir le pharmacien au comptoir pour voir ça. C'est ça. Bref, Snyder's of Hanover qui nous présente ces morceaux de bretzel cheddar ale. Mm-hmm. Ou cheddar fromage et ale comme de la bière. Bière et cheddar dans des bretzels, ça a l'air bizarre. On dirait que je suis pas certaine. Ça dit saveur limitée. Ouais, c'est ça. Ça risque d'être limité vraiment à pas grand monde qui va vouloir goûter ce mélange-là, mais bon. Ou au mal d'estomac. Probablement. Ensuite, Amazon Prime aux États-Unis peut livrer du vin et de la bière à ta porte en pour moins vrai? D'une heure, je te le promets. Plusieurs membres d'Amazon Prime ont essayé Amazon Prime Now, là où c'est disponible, bien sûr, pour amener des produits à votre porte en moins de deux heures. Mais ce que certains ont peut-être pas remarqué aux États-Unis, c'est qu'on peut se faire livrer de l'alcool en moins d'une heure. Pas besoin d'aller au magasin du coin pour aller chercher de l'alcool. La livraison en deux heures est standard chez Amazon Prime Now. C'est gratuit, à moins que tu veuilles que ça arrive en dedans d'une heure au lieu de deux. Et là, c'est 8$ de frais de livraison. Okay. Pour vrai, calme-toi, calme-toi. Ouais, c'est ça, attends. Ça va aller. C'est disponible dans certaines villes américaines. Si vous êtes membre de Prime avec cette option-là, vous pouvez choisir sur la page de chaque produit. Ensuite, de la vodka à la citrouille épicée. Oh. On en parle en dédiant ça à Stéphanie Paradis, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement, oui. Et qui tripe bien raide. Elle s'est achetée, là, vraiment, je pense, une caisse de mini-wheats à la citrouille épicée et plein d'autres produits parce qu'elle veut en avoir assez longtemps, plus que le mois d'octobre. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, par exemple. Se faire des réserves. Donc, imagine la vodka à saveur de citrouille épicée pour un temps limité par Lucky Bastard. Évidemment. Lucky Bastard, une distillerie de Saskatchewan, oui, on peut commander une version citrouille épicée d'un de ses spiritueux vodka signature. Selon le site web, cette boisson est limitée dans le temps à 35% d'alcool par volume et est en vente pour 32$ US. Non, ça doit être canadien, j'imagine, vu que c'est... Je sais pas. Bref, peu importe, rendu là, 32$ canadiens ou américains, c'est pas mal la même affaire. Hein? Moi, c'est ça. Bref, à la citrouille épicée. Voilà. En ce moment, c'est disponible cet automne. Le mot finlandais pour se saouler à la maison en sous-vêtements. Pardon? Il y a un mot finlandais juste pour ça, selon le Finland Tourism Board. Oui, voilà. OK. Et ils se sont fait un petit dictionnaire avec des emojis là, d'émotions finlandaises, des mots et des coutumes difficiles à décrire. Donc, il y a 56 phrases. Ici, c'est kalsarikanit. Kalsarukonit, pardon. Konit. On écrit ça comme le sentiment, la sensation que tu vas te saouler à la maison seul dans tes sous-vêtements sans intention de sortir. Donc, oui. Tu vois, à la maison, en sous-vêtements, et tu penses que tu sortiras pas, c'est un calçarocunit. J'ai déjà fait ça. Dire ça? Non? Non, je l'ai pas dit, mais je l'ai déjà fait. Ah, c'est le fun de t'imaginer. Selon le Chicago Tribune. Oh boy. C'est ça, peu importe pour le reste, là, c'est pas important. Exactement. Ensuite, on parle de beignes au Prosecco. Toujours dans la section oui. Une grosse pointe d'adresse, on est dans le mois d'octobre. C'est là, pour ça tu me jases. Prosecco, beignes, les deux ensemble pour satisfaire pas mal tout le monde. Donc, c'est apparemment l'année du Prosecco, hein, le vin italien qui est devenu un favori chez les milléniaux, surtout à cause de sa couleur rose et son goût de raisin sucré. Les génies chez Ruffino Wines ont parlé à The Donut Project, une pâtisserie derrière, entre autres, le Bang Bagel, pour amener des beignes au Prosecco, bien sûr. Selon Delish, ces beignes-là ont une petite décoration de perles blanches et roses, des flocons dorés et du glitter rose. Ça va être parfait pour Instagram en vente. Vraiment. C'est passé, là, c'était du 14 au 20 août au Donut Project, mais de toute façon, c'est à New York, puis vous n'êtes pas à New York, hein? C'est ça. Ensuite, deux derniers, j'espère avoir le temps de terminer ça. Mouette. Mouette, qu'on prononce ça, Mouette? Oui, mouet. Qui vend des mini-bouteilles de champagne en six-pack. Mouet. Non. Mouet? Oui, je sais pas. Bref, comme de la bière, ils vendent ça en emballage de 6. Si vous avez 100$ à dépenser américain, le Mouet Mini Share Pack. Hein? Donc, c'est des bouteilles remplies de 187 millilitres d'impérial brut classique de Mouet. C'est environ une coupe et demie. Donc, c'est pas le meilleur champagne. Ça veut dire que ça vient avec des petits toppers qu'on peut ajouter sur la bouteille pour faire comme une flûte de célébration. Pouvoir boire comme... Comme célébrer c'est en même du temps. Mouet. Mouet. Je n'ai jamais entendu ce mot-là de ma vie. Pas vrai? Désolé. Oh. J'ai pas la culture du mouet. C'est pas grave. Hey. Je trouvais ça plus drôle, mouette. Je dois dire. Puis, t'as bu ton mouette, c'est ça? T'as bu ton mouette? Il faut que tu bois ça dans un stationnement McDonald's. C'est ça, exactement. Et finalement, tiens, on revient à Noël un petit peu avec un calendrier de l'Avent, mais rempli d'alcool. En général, pas juste de vin, c'est des spiritueux, en fait, pour seulement 49$ US. Donc, c'est le Boozy Advent Calendar. C'est encore une fois Aldi, c'est toujours Aldi qui sort ça. Donc, le Spirits Advent Calendar de Heritage Distilling Company. Non, c'est ça, c'est pas Aldi, celui-là. On faisait une comparaison avec celui d'Aldi. C'est celui-là et de Heritage Distilling Company. 24 bouteilles miniatures, 49$ US, vraiment pas cher, évidemment aux États-Unis. Et puis, c'est ça, c'est rempli de plein d'alcool, whisky, bourbon, vodka. À savoir de café même, de la vodka au café, de la vodka à la lavande. Parfait pour les fêtes, voilà. Hey, c'est tout, Colin. Pour vrai, là, je suis vraiment rempli avec 18 superbes produits à se procurer si on va faire un petit voyage aux États-Unis. Et c'est malheureusement là-dessus qu'on va terminer une grosse pointe d'adresse. En passant, les liens sont sur assemblagerequis.com, note de l'émission numéro 1139. Et tant qu'à terminer une grosse pointe d'adresse là, aussi bien est terminé l'émission d'Assemblage Requis, même la semaine là-dessus. Mais oui, c'est déjà la fin de la semaine. Du gros fun, on a eu Véronique Mire qu'on remercie pour sa chronique à la Véronique Lopédie. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Tu dis qu'on finit la semaine, mais en fin de compte, on est là demain quand même en 7h. Oui, tout à fait. Sachez-le, c'est le meilleur moment demain. L'édition week-end qu'on appelle, Tania. Meilleur moment, ça fait comme si c'était une reprise. Pardon. L'édition week-end! C'est comme un party dans vos oreilles. C'est ça, exactement. C'est l'édition week-end! Toute nouvelle édition dans le sens que c'est un nouveau montage. Oui. Qu'on va vous taper cet après-midi. Tantôt! On s'est à 10h donc demain matin. Ça repasse les dimanches à 14h. Nous, on va être de retour à midi pour l'édition top 5 des Palmarès. C'est fou! Pas pire, ça? Ouais. Ça te tente? Ouais, c'est bon, les ça me parle. 5 à 1. Ensuite de ça, la rediffusion du Mathieu Plante Show. C'est vrai que c'est une rediffusion, par contre. Ensuite, à 19h, c'est le retour en direct pour Très Blues Assez Fou, l'émission de blues en direct de nos studios jusqu'à 22h. Assez.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Encore une fois, un autre gros merci, Tania. Merci à toi aussi, Mathieu. On a eu du fun aujourd'hui, vraiment oui, fun. C'est vrai. Oubliez pas d'aller vous acheter des bouchées de bretzel au beurre d'arachide. Et d'aller vous chercher un petit café. Un grand café. Un grand café. Ou un allongé pour commencer. Ah, une allongée. Ah, ça va commencer comme ça. Là, ça me parle. Ouais. Hey, à demain, Tania. Hey, à demain. bon café, tout le monde.